C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le blanc d'aujourd'hui assemble à Jouki. On vous prépare une émission spéciale 3X avec la chronique dans ma tête d'Alex Marchand. La chronique internationale d'Alexander Bratt et la chronique de Xavier Méclich. Assemblage Rookie commence tout de suite. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à Assemblage Rookie en ce lundi 13 novembre 2017. On est à 165 jours de la fin de l'année scolaire et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce lundi matin. C'est frisquet. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Écoutez, on dirait qu'on est comme sur une photo Polaroid ce matin. Tout est comme pas les vraies couleurs. C'est ça. C'est comme flou aussi un peu. Mais pourtant, si vous êtes un automobiliste du Québec, vous avez probablement passé 15 minutes à déjouvrir votre char. Ouais. Bonne chance pour le reste. Hein, c'est ça. Faut commencer à s'habituer. C'est là qu'on commence à se lever 20 minutes plus tôt, juste en prévision de la voiture. Je m'attendais à de la neige, je m'attendais pas à de la glace. Ce matin, il y en avait. Difficile. Quand même, ouais. Mais bon, hein, c'est comme ça, on est rendu là. On va devoir s'habituer, pas le choix. On va devoir commencer à compter les jours avant Noël pour au moins être un petit peu plus positif que 42. Les jours avant la fin. Ah, 42. Tant que ça? Ouais. Ah ben. Ouais. Ah. Il reste 42 jours avant Noël, apparemment. Ah, ouais. T'as 41 bien, peut-être? Ouais, ben là, ça dépend. La journée d'aujourd'hui a déjà commencé, fait qu'elle compte pas. Ça dépend quel jour tu regardes ça. Oui. Le 24 ou le 25? Ça dépend combien de chocolat qu'il reste. Ah ben, on n'est pas encore de ben chocolat. Mais non, on n'a pas encore de chocolat en théorie. Ah, Tania, grosse semaine qui commence encore aujourd'hui. Oui. Grosse semaine où je me sens pas tout à fait d'adon, d'aplomb, peu importe. Mathieu est déjà tombé malade aux deux semaines. Non, c'est la même. Ah, c'est la maladie. Même. Et qui juste jamais. C'est ça, on sait juste comme pas une ce que ex-collante j'ai. Qui ouais, finit ouf. Plus. Ouf. Bref, on va voir d'ici la fin de la journée. On va voir si je suis là ce midi. On va voir si j'ai un rendez-vous chez le médecin. Oh, mm-hmm. Plein de choses à savoir comme ça. Toi, côté moral et... Super. Ah, donc, c'est merveilleux. On adore ça. Fait froid. Émission d'aujourd'hui, Tania. Oui. On l'a dit, c'est la journée des Alex et des X quelque chose. Mm-hmm. Donc, à 8h, participation spéciale d'Alex Marchand, qui habituellement est là le mercredi. Il peut pas être là ce mercredi, donc il s'en vient. Il va être avec nous aujourd'hui à 8h. Toujours pour sa chronique dans ma tête. Donc, nightlife, alcool, série télé. Donc, ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, deuxième chronique à vie. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu ou entendu. On l'a testé il y a quelques semaines de ça. C'est notre chroniqueur à l'international, Alexander Bratt, et sa chronique sur le monde ce matin. Exactement. J'ai hâte de voir de quoi il veut nous parler, justement, ce moi matin. Aussi. Ensuite, à 9h, Xavier Méclich et sa chronique. Mm-hmm. Donc, c'est des niaiseries. Juste des affaires par rapport. On sait pas encore. C'est jamais ce que ça. C'est comme une surprise. Oh oui! Ta chronique s'en vient aussi plus tard dans l'émission. Tania Esgalantutenia, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, je me suis dit que ce matin, j'allais pas être trop morose avec la température. Je vais vous parler de lecture. Donc, ça va bien accompagner cette température froide et désagréable avec un petit chocolat chaud à la main. Peut-être pas envie de sortir. Ah, c'est ça, exactement. Pas envie de sortir. Qu'est-ce qui est mieux dans ce temps-là? Un bon bain chaud et un livre. Je suis tout à fait d'accord si je pouvais entrer dans un bain. Je suis trop grand. Ah ouais, je sais. J'ai quelques idées à vous suggérer, vous allez voir. Pour de plus grands bains. C'est ça, exact. D'accord. Donc, c'est ce qui s'en vient plus tard aujourd'hui. Ça et plein d'autres affaires. On va commencer comme toujours avec son petit palmarès dans quelques instants. Aujourd'hui, thématique corporelle. Ouh! OK. OK. Mes avant ça, on écoute Gasoline. Voici Yugen. Yugen. Yugen. Yugen. Feminin. YU avec un petit symbole que je connais pas, G-E-N. OK. Yugen. Yugen. Haagen-Dazs. Yugen, je te regarde sous la pluie. Des arbres, j'ai parfois peur que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. De nous, Yugen, qu'est-ce que tu vois? Est-ce ma voix, mon amour? Yugen, Yugen, ça se promène dans mes veines. Yugen, j'ai peur que les mots. se promène dans mes veines. You gain. J'ai peur que les mots aient tué la beauté des poèmes. Gasoline. J'aime quand il chante comme chien. Chien. Gasoline. Donc, assemblage requis. Maintenant, c'est le moment d'en savoir plus sur notre petit corps humain qu'on aime tant. Voici son foutu palmarès. C'est la chronique qu'on établit un sujet sur une liste. Oui, on établit une liste, ça, c'est vrai. Oui. Sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, thématique sur le corps. À dépendant du temps qu'on aura, on va voir ce qu'on va aborder comme sujet. Là, mais je vous en ai préparé quelques-uns d'intéressants. Donc, pour commencer, les fesses. Oh, d'accord. On peut remercier nos fesses, oui, pour plusieurs actions, pour plusieurs trucs physiques qu'on fait dans la journée, que ce soit de bouger, bien sûr, ses hanches ou ses cuisses pendant qu'on marche ou qu'on court, se lever quand on est en position assis, grimper ou même juste se tenir debout. Le manque d'exercice peut rendre ses muscles très, très mous. Mm-hmm. Hein? En général, c'est quand même certains des muscles qui travaillent le plus fort dans votre corps. Donc, pour en savoir plus, muscleflass.com a parlé à Clifford Stark, directeur médical de la médecine sportive à Chelsea, New York City, et à Vivian Eisenstadt, qui est spécialiste de la colonne vertébrale et de l'orthopédie à Los Angeles. Donc, quelques petits faits sur les fesses. Quand on parle de fesses, plus gros, c'est mieux. Ah, OK. Ouais. Donc, on dit que c'est le groupe de muscles le plus puissant de ton corps. Donc, tes fesses contiennent en fait trois muscles. Gluteus maximus, gluteus medius et gluteus minimus. Mm-hmm, hein? Ben oui, ceux-là. Oui, qui sont très importants pour empêcher plein de blessures. Plusieurs blessures, des hanches aux genoux viennent de ces muscles fessiers faibles. Donc, c'est important de les garder solides. Mm-hmm. Solides. Si t'es pas né avec de bonnes fesses, tu peux payer pour. Évidemment. En 2016, 4251 personnes aux États-Unis se sont fait remonter les fesses et 2999 autres, on est passé proche du 3000, ont payé pour des implants fessiers selon l'American Society of Plastic Surgeons en 2016. Donc, ces chiffres-là ont du sens, nous dit-on, parce que selon l'organisation professionnelle, les implants fessiers, c'était le type de chirurgie qui prenait le plus d'ampleur le plus rapidement en 2015. La chirurgie pour les fesses est de plus en plus populaire, mais c'est toujours pas dans le top 5 des chirurgies cosmétiques. Par exemple, l'augmentation mammaire, la liposuction, changer la forme de son nez, la chirurgie des paupières et le facelift, la chirurgie des paupières. La chirurgie des paupières. Ça semblerait que c'est quand même assez douloureux, hein? Mais tu fais ça pourquoi donc? Pourquoi? Pourquoi en général la chirurgie plastique? Ben, j'imagine que c'est parce qu'il y en a certains que leurs paupières tombent. Ah oui, hein? C'est assez problématique. C'est la première chose que je remarque chez quelqu'un, moi. Pouvoir ouvrir les yeux. Salut, madame. Vous avez donc bien les belles paupières. pourquoi est-ce qu'on appelle des fesses nues full moon, montrer sa lune, sa pleine lune? Ah, je ne pourrais te dire. Pneumonie. une pneumonie. Dans la dynastie Ming en Chine, les fesses nues étaient vues comme quelque chose de plutôt érotique. On comparait ça à une pleine lune, souvent à cause de leur forme très ronde aux fesses. C'est pour ça qu'on a commencé à appeler ça la pleine lune. À l'époque victorienne, oui, on aimait vraiment la fessée érotique. Ouais, la fessée érotique. Hey boy. On était obsédés par ça, selon Deborah Lutz, qui est l'auteur de Pleasure Bound, Victorian Sex Rebels and the New Eroticism. Quelque chose comme 50% de la pornographie de ce moment-là était de la pornographie de flagellation. Okay. Oh, ouais. Une théorie suggère que la pratique a ses racines dans les zones de la classe moyenne élevée, hein, qui, en tant qu'enfant, allait à l'école privée, où une punition commune était de se faire fouetter devant ses collègues de classe. Avec des branches, c'est ça? Birch switches? Birch, c'est une sorte d'arbre. Hein? Oh! C'est une sorte, ouais, une sorte, quand même. Bref, c'est ça. N'importe quel petit garçon pouvait venir regarder, oui, poulet. Pour plusieurs de ces garçons-là, c'était traumatisant, mais pour d'autres, c'était une expérience érotique. C'est devenu un éroticisme masochiste. Oh, OK. Ouais. Ich, hein? Poulet. oui, c'est ça, c'est bien des branches d'arbres. En passant. Ensuite, les douleurs au dos, ça pourrait venir de tes fesses. OK. Ouais, améliorer la force de tes fesses, ça peut aider à descendre les douleurs de dos. Donc, on dit que les thérapeutes physiques le savent déjà, mais plusieurs gens ne sont pas au courant qu'on augmente le risque de blessure en négligeant ce muscle important. En pratique, les gens arrivent à se plaindre de maux de dos. Il faut regarder les fesses en premier. Ah-ha! Et un petit nombre de gens ont un positionnement inhabituel du nerf sciatique. Le sciatica, donc c'est un terme pour de la douleur dans la jambe. Le nerf sciatique est souvent directement sur le muscle piriformis, un petit muscle qui vit au fond des fesses derrière le gluteus maximus. Et pour un certain pourcentage de la population, par contre, on nous dit que ce nerf sciatique, des fois, va percer directement au travers du muscle. Et ces gens-là ont tendance à avoir des douleurs au nerf sciatique et... C'est ça. Dommage, hein? Ouais, c'est des choses qui arrivent. On reste dans cet environnement-là pour parler du pelvis. Oui. Étrange, hein? Le pelvis, on sait, Elvis était célèbre pour faire aller son pelvis. Hein? Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça crée controverse. C'est comme ça. C'est une partie du corps, une collection de muscles, d'os et d'organes en dessous de la taille. Donc, encore une fois, mentalfast.com a parlé à Catherine Gilgley. Catherine Gilligli, qui est la chef du département de l'obstétrie, l'obstétrie, ouais. C'est ça. Et la gynécologie au Mercy Medical Group à Sacramento, en Californie, donc pour avoir quelques faits sur le pelvis. Qu'est-ce que c'est que le pelvis? Le pelvis fait référence à ce qu'il y a en dessous de l'abdomen, chez les hommes et chez les femmes, une fonction importante de la région du pelvis est de protéger les organes utilisés pour la digestion et la reproduction. Ça protège la vessie, le petit et le grand intestin, les organes reproductifs de l'homme et de la femme. Et un autre rôle clé, oui, est de soutenir les jointures des hanches. Oh boy! Ensuite, les os du pelvis forment le bassin. Mm-hmm. Hein, 4 os se rassemblent pour former une espèce de bol, un bassin. Les deux os des hanches, le sacrum, qui est l'os en forme de triangle dans le bas du dos, et le coccyx, qu'on appelle aussi, le petit étos qui est par rapport en dessous, là, on dirait que ça fait mal quand tu tombes ses fesses. Hein? On l'appelle comme ça des fois. Mm-hmm. Uh-huh. Ensuite, au fond de ton pelvis, il y a le. Est-ce qu'on dit en français le plancher? Ou est-ce qu'on dit le. Je pense que c'est ça, un plancher pelvien. On va aller voir. Je ne pourrais te dire. On va aller voir ma médecine. Ça se peut, en fait, c'est le plancher. Exactement, le plancher pelvien. Je savais. J'avais pas besoin de chercher. Bref, on connaît les exercices de Kegel pour garder ton pelvis en forme, tu sais, là, mm-hmm. de squeezer un petit peu. Là. Ouais, c'est ça. Bref, c'est comme une mini trampoline, c'est fait de muscles très fermes selon la Continence Foundation of Australia. Continence, comme tu sais, garder son pipi à l'intérieur. Hein. Mm-hmm. Exactement comme un trampoline, le plancher pelvien est flexible et peut monter et descendre. Ça crée un plancher donc pour les organes du pelvis sur lesquels il repose. Donc, on parle de la vessie, de l'utérus et des intestins. Il y a des trous aussi là-dedans pour le. OK, oui. L'urètre et l'anus. Ouais. Ça joue un rôle clé lorsqu'on. C'est sûr que si tu le dis comme ça, ça passe pas inaperçu, hein, Mathieu? Moi, je me ferais. Ça joue un rôle clé lorsqu'on marche. Oui. Quelqu'un s'est déjà brisé l'os du pelvis ou que c'est étiré un muscle pelvien. J'imagine que ça fait vraiment très mal. On ne peut qu'imaginer. Hein? Ça joue un rôle très, très, très clair et très clé dans des fonctions comme la marche et se tenir debout. C'est une fondation solide pour tout ce qui est attaché. Donc, on parle de la colonne vertébrale et des jambes. Le pelvis de la femme commence plus large, mais devient moins large avec le temps. Donc, devient un petit peu plus... c'est ça. Donc, on nous dit que le pelvis de la femme a tendance à être plus large et plus, plus long que l'homme, surtout pour accommoder donc, un bébé pendant la grossesse et pour rendre la naissance possible. Par contre, les pelvis des femmes vont, comme je disais, rapetisser avec l'âge, suggérant que c'est seulement pour accommoder donc, les enfants et qu'ensuite, ça change lorsque ce n'est plus nécessaire. Une forme de pelvis changeante serait la clé de notre histoire, de l'histoire de l'évolution. Oui, ça a changé quand on a commencé à marcher debout. Justement, parlant de grossesse, ça change le pelvis pour toujours. Pendant la naissance, le corps sécrète une hormone qui s'appelle de la relaxine. Pour aider le corps à accommoder donc, le bébé qui est à l'intérieur et pour ramollir le cervix. Par contre, ce qui arrive, c'est que les jointures entre les os du pelvis vont devenir plus lousses et vont se séparer pendant la grossesse, oui, pendant la naissance. Par contre, des fois, la relaxine peut faire que les jointures vont devenir trop lousses, ce qui va causer un syndrome douloureux qui s'appelle le symphysis pubis dysfunction, le SPD, ce qui fait que les jointures du pelvis vont devenir instables, causant de la douleur et des faiblesses au pelvis, au périnée, je crois qu'on dit en français, et au haut de la cuisse pendant la marche et d'autres activités. Plusieurs femmes avec cette condition doivent porter une ceinture au pelvis. Et puis ça va se régler après la grossesse, même si une thérapie physique peut être nécessaire. Ouch! Et il y a des chances d'avoir des accidents avec ça, le pelvis. Selon l'American Association for the Surgery of Trauma, environ 8 à 9 % des traumatismes ont un lien avec une blessure au pelvis. Ces accidents-là incluent des chutes, des accidents de véhicules motorisés, des accidents de vélo et des piétons frappés par des véhicules en mouvement. Avec ces blessures sérieuses-là, les os peuvent se fracturer et se disloquer et des fois même une blessure à la vessie peut avoir lieu. Donc on prend soin de son pelvis. Je savais pas. Absolument. Donc ça peut demander des morceaux de métal pour tenir ça, des chirurgies pour. Ouais. Ça doit pas faire du bien, ça. Ça doit pas. On change de place sur le corps, toujours la thématique corporelle de son petit palmarès. On parle du menton, étrangement. Ah, le petit menton. L'humble menton, la protrusion en bas de votre visage, une petite partie du corps mystérieuse qui est une source de controverse chez les chercheurs, en fait. La culture populaire trouve, si on veut, une façon de regarder ton menton et dire si t'es quelqu'un de puissant, de fort ou de faible. Il n'y a rien de scientifique derrière ça. T'sais, on parle de ceux qui ont une petite fente dans le menton, un trou dans le menton, ou peu importe ce qu'ils ont sur le menton, une pâle fesse des fois sur le menton. Oui. Bref, quelques faits scientifiques, encore une fois, mentalfloss.com, qui a pris ça de la part d'experts. Les chercheurs sont en désaccord par rapport à ce que ça sert, un menton. Ben ouais. Ouais. Selon Faisal Tawab, qui est un médecin pratiquant à Orlando, en Floride. Il dit qu'il n'y a aucune réponse précise à savoir pourquoi on a un menton. Les théories vont de l'assistance avec le fait de parler, donc ça nous aide à parler. Ça pourrait protéger notre mâchoire lorsqu'on mâche. Ce serait une façon de mesurer le niveau d'attirance chez un partenaire ou une combinaison des trois. Les chercheurs cherchent encore là-dessus et il y a des critiques sur chacune des théories. Ça peut aider la mâchoire à être moins stressée. Le menton a peut-être évolué comme façon de protéger la mâchoire des stress uniques de la bouche qui change lorsqu'on parle. Donc on établit un langage. Sur une étude de 2007 dans le journal Medical Hypotheses, on dit que notre menton pourrait aider aussi à... lorsqu'on marche et lorsqu'on parle. Oui. Donc, c'est ce qui est important d'avoir un menton. C'est ce qui tient le tout. C'est ce qui tient le tout, exactement. Justement, le menton est critique lorsqu'on marche. La fonction la plus importante du menton est lors de la mastication et donc pour contenir les choses à l'intérieur des lèvres. Un chirurgien plastique, Francisco Gargano, du Plastic Surgery Center au New Jersey, a dit à Mental Floss que plusieurs muscles s'insèrent dans le menton. L'espace entre les dents et... L'espace entre les dents, oui, c'est ça, lorsque la bouche est fermée. D'autres théories, en fait, d'autres chercheurs ont soutenu cette théorie suggérant que le menton aide la mâchoire contre les stress mécaniques, incluant donc le fait de mâcher, ce qui produit beaucoup de force, beaucoup de... Oui, clairement. Très, très lourd. Les mentons aidaient peut-être nos ancêtres à choisir quelqu'un dans la vie. Ah, OK. Ouais, donc on dit que ça nous aide à choisir... Un âme sœur. Si ouh là là! Les hommes ont tendance... Les hommes ont tendance à regarder le menton? Sans savoir, les hommes ont tendance à avoir un plus long menton avec plus une carrure, si on veut, et une base plus plate. Ouais. C'est pas mon cas. Les femmes ont un menton un petit peu moins large et un menton un petit peu plus rond. Une étude de 2010 dans l'American Journal of Physical Anthropology nous dit qu'il n'y aurait pas de différence dans la forme du menton si c'était pas relié à l'attirance sexuelle, parce qu'il n'y a aucune différence dans la fonction du menton, peu importe sa forme. Donc les hommes et les femmes mangent et parlent de la même façon, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord. Encore une fois, la controverse chez les scientifiques. On n'est pas les seuls animaux avec des mentons. Non, les humains ont plusieurs choses en commun avec les animaux, mais les mentons n'en font pas partie. On dit que les éléphants sont la seule autre créature avec une partie du corps qui est similaire au menton, mais le menton de l'éléphant est en fait causé par un manque de dents en bas et une grosse lèvre du haut. Ce n'est pas une protrusion osseuse qui, ça, serait un vrai menton. C'est quelque chose qu'on garde seulement pour nous, les humains. Donc, le menton humain est considéré comme une apomorphie cladistique. Tawab dit que c'est quelque chose dans notre corps qui n'est pas qu'on ne retrouvait pas un groupe d'organismes partageant un ancêtre commun. Donc, c'est une évidence de l'évolution de notre espèce. Une de nos caractéristiques physiques qui nous définit, les humains. Justement, avoir une petite fente dans le menton, quelque chose qu'on voit des fois, mais qui est quand même rare, donc ça peut être attirant, étant donné l'effet de rareté. Est-ce que ça améliore ta vie amoureuse? Historiquement, plusieurs cultures ont assigné des avantages ou des désavantages à naître avec une partie du corps qui ressemble pas aux autres. Donc ici, on parle d'une fente dans le menton qui représenterait la chance en amour. Mais la réalité n'est pas telle, non. On dit donc la théorie présentement courante dans la vie d'aujourd'hui, c'est qu'une fente dans le menton, en fait, c'est causé par une fusion incomplète des os de la mâchoire avant la naissance. Ah ouais? Ouais. T'as des fentes verticales, des fentes en Y et des fentes rondes. Ah, je savais sur le pas. Menton, qui sont toutes différentes et de différents types de fusion ouais, des os. C'est ça, exactement. Exactement. Et un menton, ça pourrait simplement être là où l'évolution a arrêté. Un menton n'a peut-être rien à voir avec le fait de trouver quelqu'un dans la vie, comme on vient juste de dire. Selon Nathan Holton, anthropologue de l'Université de l'Iowa, sa recherche nous suggère que l'Homo genus, qui inclut les humains, l'homme de Néandertal et d'autres de la même famille, ont simplement évolué avec de plus petits visages, et l'Homo sapiens encore plus. Donc le bas de la mâchoire est la dernière partie du visage à avoir arrêté de pousser. Ce qui a fait que c'est plus proéminent comparé à d'autres parties de la figure. Ah, ok. Donc une conséquence secondaire du fait que les visages sont devenus plus petits avec le temps. Voilà. C'est tout pour les mentons, c'est tout pour les parties du corps en fait. Il me restait les côtes, mais c'est rendu long. Les côtes levées là. Les côtes levées, c'est, ouais, ça. C'est un ça. Peu moins intéressant. Bref, on prend une pause musicale. On s'en va entendre une autre nouvelle entrée du palmarès anglophone. Tantôt, on a entendu une du côté francophone avec Gasoline. Et là, du côté anglophone, on s'en va entendre Aura Cogan. Voici The Light. Assemblage requis. Au 89 FM. Into cans, one and all. Hulk Hogan avec The Light. À son âge rookie. Au retour, Tania is gonna entertain you. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Bonjour à Assemblage Rocky, on se le dit 13 novembre 2017, elle est Tania Bolland. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Dans une demi-heure, on l'a dit tantôt, Alex Marchand va faire une chronique spéciale, lui qui est d'habitude le mercredi, va être avec nous. Mais avant ça, c'est au tour de Tania à geler, comme tout le monde. Il fait tellement... 19 frisqué en studio présentement. Là. C'est le studio des extrêmes, soit il fait 19 ou soit il fait 25. C'est ça. On n'a aucun contrôle là-dessus, c'est fort. C'est tout ou pas tout. Bref, on va grelotter ensemble, se rapprocher un petit peu du radio pour se réchauffer avec Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna dream. Ça fait mal quand je chante en l'air. Tout le monde Donc, Tania. Oui. Tania. Oui. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vous parle de lecture ce matin. J'ai deux catégories pour vous parce que, bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est le temps de l'année où il commence à faire frisquet. On ne veut pas tant sortir à l'extérieur. On aime mieux soit rester sur une peau d'ours avec un petit foyer puis un petit chocolat chaud à la main. Quand on peut. Oui, c'est ça, quand on a un foyer et une peau d'ours, évidemment. Et sinon, pour certains, bien, c'est tout simplement de pouvoir prendre un bain, rester au chaud ou juste de rester dans notre lit. Et ce qui est préférable parfois à ces moments-là, c'est de pouvoir prendre un bon bouquin et de lire. Ah. Chose que je ne fais pas souvent. Non. Par manque de temps. Exactement. Mais si j'avais l'opportunité de pouvoir lire beaucoup plus souvent, ne vous inquiétez pas, je le ferais. Parce que, bon, il y en a peut-être qui ne le savent pas, mais lire amène quand même beaucoup de bonnes choses, entre autres un vocabulaire incroyable. Alors, si jamais ça vous tente, bien, j'ai quelques idées pour vous. Parce qu'à ce temps-ci de l'année, vous avez comme, je ne veux pas dire deux extrêmes, mais vous avez quand même deux incontournables. Vous avez ceux qui veulent prendre soin d'eux. Ça veut dire faire du développement personnel sur eux-mêmes, prendre le temps où les ours hibernent pour travailler sur eux ou hivernent. Hein? C'est ça qu'on s'est fait dire? Ah là là! J'ai surtenu ça, moi, non. Et je crois que c'est Véronique Mire qui nous avait dit que c'était hiverner, non pas hiberner pour les ours. Alors, contrairement à certaines personnes, bien, on veut justement mieux se connaître. On veut faire quelques changements à ce niveau-là. Et pour d'autres, bien, on est célibataire. C'est la saison où on n'est plus en couple. Et qu'on a froid. Qu'on a froid seul dans notre lit ou dans notre bain, tout dépendant si vous preniez votre bain seul ou non. Adore dans le bain. Oui, c'est ça. Alors, j'ai quelques idées de livres pour vous dans les deux cas. Je suis désolée pour ceux qui sont en couple. J'imagine que vous faites lire Fifty Shades of Grey. Mais c'est ça. C'est comme ça que ça se passe ce matin. Moi, j'ai pensé aux célibataires et à ceux qui veulent travailler sur eux pour les autres. Écoutez et travailler sur vous. Les autres ont déjà quelqu'un qui parle, ils n'écoutent pas à la radio. C'est ça, exactement. Ça compte la journée. Je me suis dit, pas besoin de travailler sur toi, t'es déjà en couple. Donc, le développement personnel, c'est quand même un sujet connu et c'est un sujet quand même assez courant présentement en 2017, de la psychologie humaniste. C'est né dans les années 50 aux États-Unis et l'intérêt n'arrête pas de croître en France, aux États-Unis, ici même au Canada. Donc, on est axé sur l'épanouissement personnel. Rappelez-vous, on a déjà parlé du self-care. Ouais. C'est exactement la même chose et ça consiste à nous recentrer sur nous-mêmes, à analyser nos blocages et à transformer notre système de pensée. Et ce temps-ci de l'année, c'est pas mal un des bons temps où on peut faire ça parce que le temps des fêtes arrive. Ça veut dire que les 142 000 matantes que vous avez qui vont vous poser la question « Comment ça se fait? T'es encore célibataire? » Bien, vous allez pouvoir leur donner une réponse à l'eau de rose, puis vous allez les endormir. C'est merveilleux, c'est ça qu'on veut. Donc, le premier livre que j'ai à vous offrir ou à vous conseiller, en fait, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. C'est un best-seller. Ça a été vendu à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde et ça figure parmi les meilleures ventes d'Amazon en septembre 2017. Oh. Donc, c'est sans doute un des livres de développement personnel le plus influent de notre époque présentement et son enseignement pousse en fait votre réflexion. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça? Ça va pousser la réflexion à nous faire réaliser combien le moment présent est important. On est pas mal plusieurs à se demander qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire après-demain, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine, à quoi va ressembler ma vie dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, je veux-tu avoir une famille, m'as-tu être tout ça? Donc, ce genre de questions-là, là, pour tous ceux qui sont anxieux de votre futur... C'est après-midi, c'est déjà... C'est ça, exactement. On va y aller de façon un petit peu plus concrète. Donc, le passé étant finalement une gigantesque bibliothèque d'anciens moments présents au futur, on va vraiment axer les choses là-dessus. C'est une construction mentale que vous allez devoir faire. Ça n'existe pas encore de devoir faire ça à l'extérieur d'un livre. Mais le livre a déjà convaincu de nombreuses personnalités, comme par exemple Marion Cotillard, Guillaume Canet, Johnny Wilkinson ou encore Oprah Winfrey. Donc, okay, si vous bon, êtes... Bon, ça, c'est des bonnes personnes. Parce c'est que ça. Si tu m'avais dit Gwyneth Paltrow avec ses conneries de gris-gris, j'aurais dit non. Mais ah, Oprah ouais? Winfrey, ouais, mais non. T'es mais, pas tant Gwyneth? As-tu lu sur Gwyneth Paltrow? As-tu lu sur Internet sur Gwyneth Paltrow? Non. Et la merde qu'elle peut dire? C'est triste. Elle est même pas au courant de sa propre merde. Elle peut juste le mettre sur Internet. Oui, c'est ça. Puis faire confiance que ça doit être correct. Mais Oprah, moi je me dis, c'est Oprah est au courant. Ça a du sens, ouais. C'est un best-seller qui vaut la peine d'être acheté. Elle vient de sortir une nouvelle soupe au poulet. Gwyneth, ça, ou Oprah? Non, Oprah. OK, c'est bon. Fait que ça, puis le livre. Oui. Ça devrait être merveilleux, ouais. Ensemble. Fais manger la soupe dans le bain, puis avoir un teneur porte, de livres. Un porte-livre. Ça se fait pour le bain, sachez-le. Ouais. Donc, vous pouvez peut-être joindre tout ça à la grève. Sinon, si vous êtes du type anxieux, comme je le disais tout à l'heure, vous bouillonnez de l'intérieur. Vous avez la difficulté à trouver votre calme. Eh bien, j'ai un autre livre pour vous qui s'agit d'être le calme, l'art du calme intérieur. C'est du même auteur. On parle d'Eckhart Tolle, encore une fois. On va travailler les choses différemment cette fois-ci. C'est un livre de sagesse qui va nous ramener à l'essentiel. Donc, c'est un magnifique ouvrage qui va être facile à lire. Ça procure une sensation de bien-être, d'apesanteur aussi. Si vous êtes du type à aimer le yoga, vous allez probablement aimer ce genre de livre-là. L'écrivain qui est allemand, Eckhart Tolle, s'attaque à les flux de pensée. Donc, comment est-ce qu'on pense? À quelle vitesse est-ce qu'on pense? Et sans qu'on soit toujours conscient de ce qu'on pense. Donc, c'est vraiment là, le même type que ceux qui aiment la relaxation, ceux qui aiment le yoga. On va essayer de régir notre existence et on va avoir une espèce de pensée où on va vouloir éliminer les pensées toxiques, les pensées qui sont limitées aussi dans notre tête. Donc, on va essayer d'entasser là, notre subconscient de bonnes zones et de bonnes pensées. Oui. Contrairement à ce qu'on pense la plupart du temps, lorsqu'on va être nerveux, lorsqu'on va être anxieux. Alors même pour ceux qui sont pas nécessairement mal avec eux-mêmes ou qui sont pas nécessairement anxieux, si vous vivez juste une période de stress présentement, tu sais, changement de température, examen ou peu importe, bien c'est le genre de livre qui va peut-être vous arriver à vous calmer. Pensez-y parce qu'on parle beaucoup de pensées positives. C'est un texte aussi qui va être libérateur, donc ça porte bien son nom et ça va pouvoir vous accompagner à plusieurs moments. Vous êtes pas obligé de le lire d'une traite là. Ouais. Ça peut être un ouvrage auquel vous allez vous référer en temps de crise ou en temps de stress et ça va très bien vous amener une petite lueur d'espoir. C'est comme un livre de chevet sauf que à côté du bain, hein, tu l'as dit, c'est un livre de bain. C'est ça. Exactement, un livre de bain. Le troisième pour le soi, le développement personnel, eh bien, je pense que tout le monde connaît l'auteur, c'est le Dalai Lama. Ah, ben oui. Et on a décidé de se lancer en écriture pour le Dalai Lama, parce qu'en fait, le livre s'appelle « Transformer son esprit ». Donc, on va se lancer sur le chemin de la sérénité. je tiens à dire qu'on est toujours dans le développement personnel, là. Donc, pensez pas que c'est les livres pour les célibataires, là. Ça s'en vient, c'est plus tard. Mais c'est un livre qui renferme quand même le contenu d'une conférence qui a été donnée par le Dalai Lama en 1999. Donc, c'est un récit. Ça s'est passé du côté de Londres. Et le sujet de la conférence, en fait, c'était les 8 versets de la transformation de l'esprit. Alors, c'est vraiment ça qu'on va voir au travers du livre. L'un des textes les plus importants de la littérature tibétaine spirituelle, c'est celui-là. Et dans cet ouvrage-là, le Dalai Lama va enseigner la culture, par exemple, de la compassion. Pour ceux qui ont de la difficulté à avoir de la compassion, de l'empathie, un comportement qui est équilibré, bien peut-être que ce livre-là serait adéquat pour vous. Donc, on va y voir aussi le comportement équilibré à l'égard de soi-même, mais des autres, et la construction d'un mode de pensée qui va être positive. On va aussi y voir la transformation des situations qui sont négatives. On va essayer de les transformer en moyen d'évoluer vers une harmonie interne. Donc, interne, je parle à l'intérieur de vous, mais à l'intérieur aussi de vos proches, ceux qui vous entourent, ceux qui vont tout le temps avoir quelque chose à dire par rapport à vous. Donc, le maître bouddhiste va insister dans ce livre-là sur l'impermanence des choses ou des événements. Il n'y a pas grand-chose qui reste dans notre vie à part la famille, à part les amis et parfois les amis peuvent venir et partir. Ouais, je pense que ça compte dans la catégorie de ceux qui restent pas nécessairement. Exactement. Donc, il y a des choses qui restent pas dans la vie et on pense pas nécessairement tout le temps à ça. On va se lancer corps et âme dans quelque chose. On dit souvent de vivre le moment présent, mais parfois d'avoir une grande image de ce qui pourrait être autre chose, c'est souvent la clé de ce qu'on pourrait devenir et de notre bien-être personnel. Donc, l'objectif, en fait, avec ce livre-là, c'est apprendre à distinguer l'important qui est superflu et de puiser un enseignement du malheur qui est souvent considéré comme mauvais. Mais souvent, le malheur va nous amener un changement dans notre vie. Et on va vouloir axer sur ce changement-là autrement que de fixer juste sur ce qui est mauvais. Donc, si vous avez, par exemple, un événement mauvais ou un événement triste ou peu importe, on va souvent juste s'axer sur le fait qu'on est triste, sur le fait qu'on va être fâché ou peu importe, quand bien souvent on devrait s'axer sur ce qui va venir par la suite. Donc le changement que ça va amener, c'est souvent un changement qui va être positif. Et c'est là que les gens ne s'arrêtent pas. Les gens vont tout simplement penser à ce qui va pas et on va rester dans cette phase-là, tandis qu'on devrait toujours penser à après, c'est-à-dire le moment où ça pourrait devenir quelque chose de très bon. Vous en avez plein d'autres. Je vais mettre la liste pour ceux qui est du développement personnel sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Ne vous inquiétez pas, vous avez aussi un livre qui parle de comment se faire des amis parce qu'on sait en 2017 avec les réseaux sociaux, ça peut être quand même assez difficile. Donc, si on pense qu'on n'a pas besoin de personne dans notre vie pour avancer, bien on se trompe. Mais le contact avec les autres, c'est quelque chose qui est puissant. C'est un moteur de succès pour certains. Et à certains moments, bien, ça peut être difficile de trouver d'autres amis que ceux qu'on connaît depuis belle lurette. Alors, un leader mondial de la formation qui est continu, qui est spécialisé dans les entraînements à la communication, au management et à la prise de parole en public, qui est Dale Carnegie, a écrit un guide de communication qui nous apprend à justement avoir confiance en nous, avec exprimer avec clarté et accepter la critique aussi. Et c'est souvent ce qui va nous amener des contacts. C'est souvent ce qui va nous amener une ligne directrice pour justement avoir de nouvelles personnes dans notre vie qui pourraient devenir des amis. Tout simplement. Et comme je le disais tout à l'heure, bien, il y en a plein des livres. Il y a aussi le livre qui pourrait vous aider, qui est 21 jours sans se plaindre, de Will Bowen. Donc, Ah oui, Bowen. Ben, combien de fois tu te plains par jour, Mathieu? Ça a 10. Faudrait mesurer, en fait, à quel point les plaintes, le sarcasme, les critiques, ouais, ça peut gâcher, pas la vie de ceux qui les reçoivent, mais la vie de ceux qui les disent. Ouais. Donc, selon Will Bowen, qui est un conférencier et qui est un créateur de mouvement, là, il a créé le mouvement Un monde sans plainte. Bien, c'est une manie qui nous empêche de nous concentrer sur ce qu'on pourrait vraiment faire et sur ce qu'on pourrait vraiment vouloir dans la vie. Donc, c'est un livre qui est paru quand même en 2007, mais qui a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Et ça nous apprend à nous détacher de cette mauvaise habitude-là grâce à un système ingénieux qui consiste à porter un bracelet, à le changer de poignet chaque fois qu'on veut se plaindre. Donc, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Et je vous lance l'objectif de peut-être l'essayer juste pour une journée. Toi, là, ouais. Moi, j'ai dit 10 tantôt, là. Toi, ouais. Tu dirais combien de fois que tu te plains par jour? Mentalement, genre ouais, à moi-même ouais. Ou en le disant? Tout au complet. Ça doit être pas mal dans ouais, les mêmes chiffres. Parce que ouais. Je voulais dire 5, je me suis dit c'est vraiment trop conservateur. C'est vraiment trop, c'est trop gentil, 5. Ouais. pour nous, Mathieu, je dirais peut-être même plus que... Ouais, probablement plus. Probablement. Ouais. Je vous parlais aussi de... Avec raison. Oui, ben oui, tout à fait, parce que la plupart du temps, notre sarcasme vient avec autre chose. Eh oui! Donc, je vous parlais du développement personnel, mais je vous ai aussi parlé des célibataires. Mm-hmm. C'est le temps Mossad. Si vous êtes célibataire, vous pouvez peut-être aller prendre de rendez-vous pédestre seul pendant des heures et des heures, mais ne vous perdez pas en route parce que ça pourrait être difficile. Peut-être que vous avez envie de vous perdre aussi, qui sait, la solitude, c'est peut-être pas pour vous, mais bon. j'ai quelques idées pour vous aussi, pour lire. Vous pouvez manger, bien évidemment, en lisant, mm-hmm. Sachez-le. Si on n'est pas dans le bain, c'est sûr que les chips peuvent devenir molles un petit peu, mais le moment où vous allez lire, ça doit être un moment où vous allez vous retrouver avec vous-même. Mm-hmm. Peu importe la situation, que ce soit pour le développement personnel, que ce soit parce que vous êtes célibataire puis que vous êtes triste, que ce soit parce que vous êtes en couple, votre chum est sorti avec ses chums, ben, tu sais, c'est un moment où vous devez vous faire plaisir. Et bien souvent, on pense pas nécessairement à ça, mais de lire un roman, c'est aussi un moment de détente. Donc, si vous aimez la lecture, bien, on en a plusieurs pour vous. Et si vous êtes une personne célibataire, bien, vous êtes peut-être en manque de bons livres parce que vous en mangez peut-être depuis des mois et des mois vu que vous êtes célibataire. Comme si juste les célibataires qui lisaient. Mais non, mais c'est parce que si t'es en couple, déjà en partant, t'as un petit peu plus de choses à faire. C'est sûr. À deux. C'est vrai. Lire, c'est rare, tu fais ça à deux. C'est sûr. Ça se fait pas mal tout seul. Donc, le premier livre que je vais vous présenter, c'est Beautiful Disaster de Jamie McGuire. C'est l'histoire de Travis, qui est un gars un peu badass. Oh. Un petit bum typique. Ouais, ouais. et c'est l'histoire aussi d'Abby, qui est une bonne fille typique, elle aussi, même un peu plate sur les bords. Ah, bon. On cache certains secrets du côté d'Abby et elle est la seule à posséder son charme. Mais lui, c'est un petit bum, donc il va tout faire pour essayer de la charmer. Il va faire en sorte qu'elle s'intéresse à lui plus qu'à un simple ami. Donc, c'est un peu quétaine, on le sait, mais c'est clairement pas la relation la plus saine que vous allez pouvoir trouver sur Terre. Donc, peut-être que vous allez vous reconnaître avec certains de vos ex, on sait jamais. Mais ça reste quand même divertissant. Ça se lit vraiment bien pendant un dimanche, par exemple, froid, maussade, avec un thé, un café, ou encore dans votre bain. Voyons, coudonc, tu fais tout dans ton bain. Mais il fait froid, fait que rester dans le bain, au moins, il va faire chaud. Attention, si tu fais tout dans le bain, sèche-toi pas les cheveux dans le bain. Non, faites attention. Pas tes toes dans le bain ouais, non plus. C'est ça, attention. Pas de prise électrique au bord du bain, faites attention. Sinon, j'ai Le ciel est partout de Jendy Nelson. C'est l'histoire de Lenny qui vient de perdre sa sœur aînée, Belly. On essaie de vivre un deuil avec notre grand-mère et notre oncle. Donc, vous allez avoir, par exemple, un nouveau français, l'ex de sa sœur, qui a un comportement un peu perturbant dans cette histoire-là. On va se renfermer sur nous-mêmes malgré des efforts. On va essayer de penser à autre chose qu'à notre sœur qui est décédée. Et pendant un gros bout de temps, on s'est dit que ce livre-là faisait partie d'un top quasi inconnu. T'sais, on disait tout le temps, il y a plusieurs personnes sur Internet qui disaient ce livre-là fait partie de mon top 3. Un trésor caché. Exactement. Mais on n'arrivait jamais vraiment à pouvoir dire pourquoi ce livre-là était dans les tops et on s'est vite rendu compte que c'était un roman préféré. C'est beau. Il y a un humour aussi à travers de tout ça, mais c'est touchant. Et la plupart du temps, un deuil, ça va être quand même assez difficile à vivre. Et là, vous rentrez dans l'histoire de quelqu'un qui doit vivre son deuil. Donc, c'est tout simplement le roman parfait si vous devez de faire un deuil de quelque chose, parce que vous allez avoir justement cette beauté-là de la vérité. Vous allez avoir aussi un humour qui va peut-être vous faire voir une petite lueur à ce deuil-là. Et comme c'est touchant, bien, vous allez sensiblement vous reconnaître à cette histoire. Donc, c'est un déluge de larmes aussi qui risque de déferler sur vos joues. Dans le bain, c'est parfait. Dans le bain, c'est parfait. Vous êtes déjà mouillé. Fait que pensez-y. Sinon, dans une grosse couverte, là, autour d'un feu, comme je le disais tout à l'heure, tout seul, assis, non, c'est pas vrai. Voyons. C'est dans le noir. En pleurant, hein? C'est ça. Faites attention pour pas que personne rentre dans votre appartement, mais non, je ris, mais Vous allez voir, c'est quelque chose qui peut très bien vous accompagner si vous vivez un moment qui est quand même assez difficile. On a un classique qui est devenu un film aussi, mais pour les célibataires de ce monde, je pense que de relire un livre comme celui-là, ou si peut-être vous l'avez jamais lu, mais vous avez vu le livre, c'est P.S. I Love You de Cecilia Harren, donc Jerry Holly qui filait l'amour presque parfait jusqu'à ce que Jerry meure. Et ça les a séparés, bien évidemment. Donc, Holly va se retrouver toute seule, sans son amoureux, qui était tout pour elle. Elle a beaucoup de mal à gérer sa mort. C'est un deuil qui est quand même assez difficile au début. Et parce qu'il avait juré qu'elle ne serait pas toute seule, bien, il l'aide à passer au travers de son décès, oui, en lui laissant des lettres qu'elle doit ouvrir tous les mois. Ah, c'est morbide! Mais non, c'est quand même beau, tu vas voir. T'as jamais vu le film, non, P.S. ça a l'air glauque. Le gars, il savait qu'elle allait mourir, puis il écrit des lettres. Genre, ça, sachant qu'elle va être morte quand elle va les lire. Parce que c'est une maladie, là. Non, mais là, tu sais qu'elle va être... Tu sais, ouais. Qu'elle va les lire quand tu vas être mort. Puis... Je sais pas. Il pourrait y avoir une petite musique... Mais c'est parce que tu l'aides à passer au travers du deuil. Ouais. Tu sais, tu sais. Donc, si vous avez envie de vivre de belles émotions, en fait, autre que de juste le regarder, bien, c'est justement pourquoi je vous donne cette option-là de lire le livre. Et sinon, lisez le livre. Tout de suite après, regardez le film. Vous allez voir, vous allez en avoir pour votre argent. Si vous venez tout juste de vous séparer, ça va être merveilleux. Ça va pleurer longtemps. Ça va pleurer longtemps. Et sinon, bien, je vais terminer avec un livre qui pourrait se dire quand même assez quétaine, lui aussi. Mais je pense que ça reste un certain classique. C'est le livre « Et si c'était vrai » de Marc Lévy. C'est Lorraine qui a eu un accident et qui est dans le coma. Donc, une nouvelle personne qui est Arthur va emménager dans son appartement. Et on va réaliser avec son aide qu'elle n'avait pas compris sans l'aide de cet homme-là qui occupe présentement son chez-elle, qu'elle est un fantôme. Ah, OK. Oui, donc c'est devenu un film pour ce livre-là aussi. Mais il paraît que le livre est tout aussi bon, même voire meilleur. Mm-hmm. C'est un des seuls que je te dirais que j'ai pas encore lu. Moi, j'avais déjà lu P.S. I Love You, j'avais déjà lu certains des livres que je vous ai présentés, mais c'est clairement tombé sur ma liste. Et apparemment qu'il y a une plume assez incroyable de la part de Marc Lévy. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez regarder le livre ou le film aussi avant de lire le livre. Ouais. Peut-être que ça va vous aider à savoir si vous allez apprécier le livre. C'est sûr que... ça peut être différent de comment vous vous sentez, qu'est-ce qui vous rejoint aussi. Mais encore une fois, il y a une liste quand même assez grande de ce que vous pouvez lire si vous êtes célibataire. Même si vous n'êtes pas célibataire, bien, sachez que vous pouvez lire ces livres-là pareil. On ne vous en empêche pas. C'est juste que, bon, comme je le disais tout à l'heure, des activités à deux, c'est pas mal plus facile à. Il y a des couples qui lisent à deux dans le salon, chacun leur livre. Oui, ouais. Chacun leur livre. Oui, t'as bien raison. Ouais. C'est vrai. Bref, c'est vrai. Message à la coloc de Tania, par le bain. Pas le bain. Je m'en viens lire. Mais je vais vous mettre encore une fois cette liste-là sur le site internet d'Assemblage Requis. AssemblageRequis.com. Merci beaucoup, Tania. Ça fait plaisir. On écoute, t'as parlé de faire des petites randonnées tantôt, le triste. Là. On écoute Fanny Blum, une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est Petit Bois. Petit Bois. Sur Assemblage Requis. Des alentours, oh je ne suis pas folle. Fanny Bloom et la pièce Petit Bois, Assemblage Rocky. Un retour à Alex Marchand et Dans ma tête avec Alex Marchand. Ça sent bien. À Assemblage Rocky. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Deuxième heure, pas mal exactement, en fait, 8h 0 secondes, 0 minutes 30 secondes, pas mal, en ce lundi 13 novembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On l'a dit tantôt, Alex Marchand s'en vient, il va nous parler de, sûrement, de séries télé. Oui, probablement. Peut-être d'alcool. Oh! Quoi faire chance. Comme sortie, on sait pas, c'est pas mal ça qui se passe dans sa tête, on se fait surprendre à chaque fois. Mais avant de passer à Alex Marchand, écoutons une pièce du palmarès anglophone, encore une fois une nouvelle entrée, et il semble en avoir des pas mal bonnes cette semaine. Voici Dyslexic Postcards, ça c'est le nom du band, avec Don't Call Me Babe, Assemblage Rocky. C'était Dyslexic Postcards, calme. Avec Don't Call Me Babe. J'ai vérifié pour voir si c'était une erreur, parce que tu sais, ça arrive. Non, c'est bien Don't Call Me Babe. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. Ouais. C'est OMMIE. On sait pas. C'est comme ça. Ben, apparemment qu'on va se jouer une autre petite chanson avant de passer à notre ami Alex Marchand, si ça te dérange pas trop. Non, ça me dérange pas. Écoute, Mathieu. Ça va aller. On aime ça de la musique. On écoute Choru. Choru. Choru. Ah ben, Choru. Ah, il est juste on l'arrête-tu? On a-tu le temps? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Qu'est-ce qui se passe? On était juste correct. Pour t'accueillir. Mon Dieu, c'est donc le fun, ça. Mais non, on va mettre Choru. Le Choru. On va mettre Choru. Choru. On revient avec Choru. On gênera pas ses Choru. Vous êtes sûr, là? Ah ouais, Choru. Choru. Ben, on va dire. Wow, le langage. Hey, il y a de la neige dehors, Mathieu. T'as le droit. T'as le droit d'avoir des Choru. Ils vont sortir bientôt de leur dernière. Ah! pas l'air sûr de vouloir finir ouais, sa chanson. Ouais, c'est ça. C'était Charrue. Ah ouais. Avec Morphine. Hey, on dirait que c'est juste des mots-clés trash qui sont énoncés. Genre Charrue, ouais. Morphine, raton laveur. Justement, ça va nous amener à parler de bien des choses, le mot Charrue, dans quelques instants, dans la chronique Dans ma tête avec Alex Marchand. Dans ma tête, avec Alex Marchand. Hello! Hey. Alex Marchand! Ok, oui! Hey, t'as vu ou quoi? Je pense que je vais laisser l'écho finalement. Tu sais, je prévoyais réenregistrer. Ça fait cheap un peu, cette femme? Ben, c'est que ça fait cheap, sauf que tu sais, c'est dans ma tête. Je suis quelqu'un d'assez fondamentalement perdu. Fait que ça prenait de l'écho pour démontrer qu'il y avait beaucoup d'espace à la créativité c'est dans ça. Ma tête. C'est comme du squash, ça rebondit ses murs dans ton cerveau, cette femme. Exactement. Bref, tantôt, on a écouté une pièce de Charrue et ça t'a amené à parler un petit peu de l'accent des gens de Joliette. Ah oui, l'accent des gens de Joliette. Ça prononce pas beaucoup les consonnes à Joliette. Pourquoi? C'est sûr des problèmes dedans. Peut-être. On a parlé de mâchoire ou de menton. Ben, je pense qu'il a trouvé la source de l'accent de Joliette. Je sais pas. Ah, ben, ça se peut. Ça part de la bouche. C'est important de savoir que historiquement, Joliette, c'est un peu le centre agricultural de la Naudière. Ouais. Il y a beaucoup de municipalités autour qui ont beaucoup de champs. Puis, ben, c'est ça, il y a beaucoup d'agriculteurs qui, à travers les années, ont peut-être développé des patois d'année en année avec les familles. Fait que peut-être qu'effectivement, il y avait certaines personnes qui avaient des problèmes dedans, qui ont passé leur accent au voisin puis à l'autre voisin. Puis que maintenant, les rentes Joliette prononcent pas beaucoup leur J et un paquet d'autres lettres, mais prononce beaucoup la lettre H. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Fondamentalement, qu'on ne savait même pas qu'elle existait, mais bon. Même les jeunes, même les gens de notre âge. Pas tout. Ben, c'est que moi, je fais du service à la clientèle. Ouais. Je travaille dans le public à Joliette. Fait que, à Joliette. Ouais, puis moi, je suis quelqu'un, j'ai déjà fait de l'impro, fait du théâtre. Fait que j'ai tendance à me mettre dans la peau de la personne qui est en face de moi pour me rendre sympathique. T'sais. Fait que quelqu'un me parle avec un accent de Joliette, ben, moi, il dit bonjour, vous allez bien. Oh, j'ai du plaisir. Ah, mettons là, que quelqu'un commande de l'alcool avec beaucoup de H dedans, là, mettons. Là. C'est quoi l'alcool le plus difficile à commander quand t'as un accent comme celui-là, comme du Je peux te dire que j'ai jamais entendu quelqu'un de Joliette avec l'accent essayer de commander un litre milch. ça serait peut-être compliqué. Je pense qu'il y a trop de consonnes par rapport aux voyelles à l'intérieur. C'est. Non, j'ai jamais vu essayer de le prononcer. Je pense que c'est une bonne chose. Bonne chose, hein? Ben, peut-être. J'aurais peut-être vécu un traumatisme. Puis je serais pas avec vous ici aujourd'hui. C'est ça. Justement, non, je suis même pas capable de le faire. T'es avec nous aujourd'hui pour parler de ce qui se passe dans ta tête, autre que du vide et du rebondissement. Ben oui, exactement. C'est plein de créativité aussi, Mathieu. C'est important de le dire. Puis, ben oui, c'est ça. Fait que je vais vous parler, entre autres, de nouveau spiritueux que j'ai essayé. Ben, en fait, je le connaissais déjà, mais je l'ai revisité en fin de semaine. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la pure vodka. Pure vodka. Oui, petite. Ça, c'est une marque ou c'est vraiment la vodka pure, juste ça que tu me parles? Moi, je pense que c'est Même la bouteille, va dire. Je pense que c'est un pléonasme parce que cette vodka-là est simplement incroyable. Ouais. C'est parce que tu peux la boire sans rien mélanger avec. Exactement. Et c'est bon? Ça coule tout seul. Tu sais, le gin qu'on a fait essayer il n'y a pas si longtemps, hein, Mathieu? Oui, à 8h le matin. Oui, exactement. Deux semaines, ouais. Ça réveillait quand même assez bien. Moi, j'avais plus mal à la gorge après, non? Par exemple. Non? Ah, moi, c'est resté, malheureusement. Ah, ben, Colin, dommage pour toi. Donc, la pure vodka. En fait, je vais faire un peu un énoncé de qu'est-ce que de la vodka, pourquoi on appelle ça de même, puis voilà. Du patate! Exact. Mais ça, la croyance populaire, il y a effectivement certaines vodkas qui sont composées de patates. Mais pas toutes. Pas toutes, effectivement. Patates. Ah, t'es en train de me dire que moi, je pensais manger une poutine, là, puis c'était pas de la vodka. Non, effectivement. Tu mets de la vodka sur ta poutine, par exemple, je garantis pas le résultat. Hey, j'ai vu quelqu'un mettre du vinaigre sur sa poutine. Oui, moi aussi. C'est bizarre. Moi, le ketchup aussi. Ben, ouais, ketchup, ça, c'est classique. Ouais, c'est classique. Plus de sucre, c'est vrai. Mais vinaigre tout seul, pas sûr. Pas sûr. Ça dépend. Ma grand-mère aimerait probablement ça, elle met du vinaigre partout. Bon, la salue. On la salue. Donc, elle écoute probablement pas parce qu'elle est repentie, fait qu'elle pogne pas le signal. Internet. Madame Marchand. Moi, avec vous autres, j'embarquerais pas là-dedans. Sérieusement, là, avec une personne âgée, essayer de montrer comment Internet fonctionne. Et... Comme ma grand-mère est sur Facebook et elle est incroyable, OK? Ah oh, ouais, elle a beaucoup de followers. Ouais, vraiment, c'est elle majuscule. Non! avec son nom à la fin tout le temps. Elle est en repère, ma grand-mère. Ouais, elle envoie genre des messages sur le wall du monde. Mais c'est privé. De faire en chat, c'est ça. Peux-tu amener un plat de salade? Plus tout le monde, genre dans les parties de famille, dit pis ta salade. Ouais, comment? De quoi tu parles? Hey, arrêtez de juger ma grand-mère. On juge pas ta grand-mère. Ok, parle de ton jus de patate, là. Ouh, je vais faire donner des ordres à matin, moi, là. Hey, dans le fond, je vais t'appeler la prochaine fois pour ma chronique. J'aurais plus besoin de me laisser. Donc, effectivement, le jus de patate, c'est ça. Majoritairement, c'est fait avec du blé puis avec d'autres agencements de corn. Je voulais dire des céréales. Des céréales, oui. Français, oui. Exact. Allez, je le trouve. Pour ainsi dire, c'est un peu. Le vodka est un peu une whisky, en fait. Si on veut. Parce que le whisky aussi est fait avec plusieurs céréales. Sauf que la différence entre la vodka et le whisky, fondamentalement, c'est qu'on va naître en plus grande quantité, je pense, de l'orge à l'intérieur du whisky. Corrigez-moi si je me trompe. Moi, de ce que j'en sais, c'est ça. Puis l'orge maltée, principalement, pour faire un scotch whisky single malt, en fait, qu'on va appeler. Mais ça, on y reviendra une autre fois, parce que là, on est dans la vodka. Jusqu'à ce que je fasse la distinction entre les deux. Ouais. Donc, au niveau de la vodka, c'est ça. On y va avec souvent du blé. Puis, on peut produire un eau de vie avec un alambic ou. C'est principalement un alambic. Puis. Ces histoires-là de eau de vie, là. Oui. C'est spécifiquement quelque chose, ça? C'est le nom de l'alcool? C'est comment? C'est En fait, avec un fruit, tu peux produire un eau de vie ou avec ces céréales. En fait, c'est après avoir passé l'étape de la distillation, ça va produire un liquide qui va être fortement alcoolisé. On parle de souvent 80 à 95% d'alcool. Oui, c'est dilué après, mettons. Mm-hmm. Quand ils te le mettent en bouteille à 40%, c'est parce que ça a passé l'étape de dilution. Avec Kim, je suis rendu chimiste, moi. Ah ouais. Scientifique ce matin vers l'alcool. Ah ouais, effectivement. Donc, la différence entre un alcool, tu sais, on peut acheter à la SEQ un global à 40% d'alcool ou à 94% d'alcool. C'est principalement ça pourrait être de la vodka si on l'avait filtré plusieurs fois. Donc, si vous achetez une bouteille de Smirnoff, on parle de la vodka ici, non pas du Smirnoff Ice. Mm-hmm. Je vous recommande d'ailleurs le jeu pour icer quelqu'un, ça peut être très, très drôle de voir quelqu'un s'étouffer en buvant de la ice parce qu'il l'a découvert par hasard dans les toilettes. Vous riez, mais ça m'est arrivé. Ah ouais. Après, bref, on reviendra sur le jeu de ice. Mais tout ça pour vous dire que 4 fois distillé la Smirnoff et d'autres vodkas vont aussi être distillés plusieurs. Pas distillé, je veux dire, mais filtré plusieurs fois. Okay. Donc, c'est ça qui va faire la différence entre une bonne et une mauvaise vodka. Souvent, mais au niveau de la pure, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement peu goûteux, en fait. Okay. Puis c'est ça, ce qui est traître, hein? Exact, c'est traître. Parce que c'est une teneur très élevée en alcool, mais un goût qui est très fade. Exactement, mais c'est pas nécessairement fade, parce qu'il y a quand même un petit piquant sur l'angle. Il va quand même avoir une place en bouche, sauf qu'il y a rien qui va accrocher. Ouais. Tu sais, ça va être tellement pur que ça va couler tout seul, en fait. Puis ça va vraiment être ça, la caractéristique et la qualité d'une bonne vodka, c'est qu'elle va goûter le moins possible. Donc, la pure vodka, qui est faite d'ailleurs au Québec, si vous ne le saviez pas, par un. Le CEO, PDG, en fait, il s'appelle Nicolas Duvernoy. Vous tapez son nom sur Google, il y a quand même pas mal de trucs sur lui. C'est un personnage assez public, il a fait beaucoup de médias quand même. Donc, c'est assez intéressant de voir. Puis même des conférences de lui, il est très, très, très intéressant. Là. Mais bref, une pure vodka, 40 quelques dollars, je ne suis pas certain du prix exact, mais un très, très beau produit si vous avez le goût de donner un beau cadeau à un de vos parents pour Noël ou à un de vos amis chers, parce que c'est sûr que c'est une vodka quand même à 45$ versus la par exemple, la Smirnoff, l'Absolute qui sont à peu près à 20$. Donc j'ai vraiment. Je t'aurais demandé une commandite à Smirnoff. Moi j'ai vraiment dit beaucoup leur nom aujourd'hui. Ça. Ah ben prochaine chronique. Évidemment le format est cher pour une grosse bouteille, mais tu le dis dans quelque chose d'autre. J'imagine que tu vas venir le mélanger à quelque chose parce que de la vodka pure, est-ce que tu bois ça souvent? Ben la vodka pure, la pure, oui. Ouais, parce que honnêtement, tu sais, une vodka de moins bonne qualité, tu sais, je la recommanderais. Mais souvent, quand un client vient me boire, il me dit, je veux faire mettons un Bloody Caesar, je veux faire, un vodka jus d'orange. Je dis, prends pas une grosse vodka, prends pas une Grey Goose, prends pas une Pearl, prends pas une Quartz. Parce que une bonne vodka, tu veux la boire sur glace. Plus l'alcool est fin, plus tu veux le déguster tout seul. Puis idéalement, peut-être à température. Non, la vodka, peut-être au congélateur, là. Mais ça permet justement de le boire comme ça. Parce que c'est facile à boire de un, de deux, l'expérience sensorielle est incroyable. Donc si on le dilue dans autre chose, on perd vraiment la qualité. Puis là, ça vaut pas la peine d'aller vers quelque chose de plus... De meilleure qualité, en fait. Fait que si vous voulez faire un Bloody Caesar, un vodka jus d'orange, quoi que ce soit de ça, achetez à moins cher. OK. Bon, ouais. C'est dit. Sinon, mettons qu'on reste dans l'alcool et à la SEQ, quand t'as des petits démons, là, genre sur le bord de la porte, tu petits démons, là, comme oui. Ça. Est-ce que t'as pas le droit d'y boire avant, non, c'est ça. Hein? T'as pas le droit d'y boire pendant que tu magasines. OK. Sérieux? Ben ouais, sérieux? Ah ben, je le savais pas. Je savais pas ça non plus. Voyons, les gars! J'ai demandé si la personne qui te la sert, il a goûté, il goûte toute la journée, il doit recracher. Ok, toi, tu parles des petites dégustations. Ouais, ouais, oui, c'est des mots, ben hein. Oui, ça, oui. Je pensais que tu parlais des mini-bouteilles qu'il y a souvent à côté des caisses. non, t'as pas le droit de les consommer pendant. J'imagine, hein? C'est vrai. Ah non, ça, c'est vrai. Mais, tu sais, les dégustations, effectivement, la personne, il la déguste, mais à peu près une fois, peut-être deux. Okay. En début de journée, ben pas en début de journée, mais en début de dégustation, parce que la meilleure façon de décrire un alcool, c'est de goûter. Honnêtement, là, tu peux lire autant de théories que tu veux. Il y a une espèce de frame qui remplisse avec de l'information, mais c'est jamais pareil comme y goûter, parce qu'il y a une certaine profondeur, tu vas goûter d'une certaine manière qui va te permettre de le décrire beaucoup mieux que de simplement lire certains cossins. Mais on goûtera peut-être pas non plus de la même façon, toi puis moi, considérant nos habitudes alimentaires. Non, effectivement, ça c'est très vrai. Il y a des vins que je trouve dégueulasses que je vends genre à côté en dégustation. Comme. Je dirais pas. Non. Mais non, mais tu sais, mettons, si t'es du style à manger plus d'agrumes, ben, ça se peut que toi, t'as des vins où tu vas retrouver pas mal plus l'agrumes que, mettons, Alex, il boit pas, s'il mange pas d'orange puis il boit pas de citron. Mm-hmm. C'est vrai, parce qu'il y a il y a plusieurs layers, je pourrais dire. Couche, exactement. Particulièrement dans un vin. Là, on va avoir la couche olfactive, qui va être vraiment tout ce qui va être arôme. Il y a plusieurs familles. Tu sais, par exemple, la famille empyrumatique, qui va être le caramel, le cacao, puis tout ce qui va se commence dans un gâteau. Après ça, on va avoir la famille, par exemple, fruitée, qui va être tous les fruits. Puis souvent, les gens ont tendance à confondre les arômes fruités et le goût fruité. Mm-hmm. C'est parce qu'ils pensent que le goût fruité, c'est le sucre. Mais non, c'est le sucre, c'est le sucre, c'est doux ou c'est sec. Puis vraiment, on va avoir les fait, végétales, botaniques, on va avoir vraiment plusieurs familles aromatiques. Je décrirai pas toutes parce que ça va prendre 5 ans. Mais tout ça pour dire que, on a la couche olfactive premièrement. Après ça, on va avoir la texture en bouche. Juste ça, c'est simplement si vous laissez couler votre gorgée à l'intérieur de votre bouche, vous allez avoir une certaine attaque sur la langue. Vous allez peut-être vous assécher la bouche si le vin est suffisamment corsé. Peut-être avoir un petit côté acide qui va aller vous pogner dans les joues. Peut-être un petit côté sucré qui va aller vous pogner sur le bout de la langue. Fait que tu sais, il y a comme vraiment une texture qui va être très présente en bouche, puis une saveur aussi qui va être liée justement aux différentes parties de la langue qui vont faire en sorte que vous allez goûter le vin. Puis c'est pas mal ça en fait. Ouais. Ben, ça dépend aussi des gens. Je lisais un article hier, et là, j'ai pas les chiffres avec moi, là, mais comme 25% de la population est comme un goûteux léger. Mm-hmm. T'as comme 50% qui est un goûteux normal, puis 25% qui est un super goûteux. Genre, fait que tu ressens des choses, tu ressens plus la saveur quand t'es dans ce 25%-là. Ça dépend de ta langue. Oui, définitivement. Ouais. Mais je dirais aussi, par exemple, que moi, mettons, je pense à être un goûteux normal, sauf que j'ai tellement goûté que, tu sais, j'ai appris à repérer certains éléments, à habituer, puis à analyser aussi ce que je vais boire ou ce que je vais manger maintenant. Fait que tu sais, sans dire que je suis devenu un super goûteux, qu'il y a quand même moyen de développer le goût, de développer les arômes aussi, puis que de pouvoir même éventuellement mieux comprendre sa bouche. Mieux comprendre sa bouche. Ouais, puis même me dire, mais des fois je dis, j'aime pas ce produit-là, mais je comprends pourquoi il est bon. Oui, c'est ça. Tu comprends pourquoi les gens peuvent avoir un intérêt envers ça. Les goûts sont différents aussi. Mm-hmm. Là. Exact. C'est comme j'aime pas le gingembre. J'aimerais jamais le gingembre, mais je comprends pourquoi que les gens aiment ça. C'est ça. Mm-hmm. Ben, c'est vrai. Effectivement. On a assez parlé d'alcool. Avais-tu d'autres sujets dans ta tête? Oui, j'en avais un. Sérieusement, je sais pas si vous avez déjà vu la série Narcos. Non. Non. Ah, ça, sérieusement, ça vaut la peine. Mais tu en même temps, faut aimer un peu. C'est ça qui parle de drogue. Oui. Alcool et drogue. Sex, drugs, rock and roll. Alex, c'est pas vrai. Ben oui. Intervention ce matin. Avec la grosse. Ça va, oui, ça va très bien. J'ai dormi la nuit dernière. Hey, bravo. Une première en 3 mois pour Alex. Effectivement. Donc, tout ça pour vous dire que la série Narcos, une série qui, dans les 2 premières saisons, va relater l'histoire de Pablo Escobar, baron de la drogue colombien, qui est quand même très intéressant. Je dirais que la série est très, très, très bien réalisée. On peut la comparer avec la série El Chapo aussi, qui est disponible sur Netflix. Les deux sont disponibles sur Netflix. Allez voir ça. Donc, c'est l'histoire d'un côté des policiers, mais on voit aussi l'intérieur du cartel. C'est comme vraiment fait comme un roman. Donc, on survole sans narrateur, par exemple. Oui, il y en a un narrateur, c'est vrai. C'est Javier Peña. Javier. Et on dirait qu'il vient de Joliette. Ouais, c'est ça. Pour les gens de Joliette, sont espagnols. On a tout compris. Ben oui. C'est le... avec le J là. Mais ouais, ça, ça serait Roliette. Si jamais ça serait espagnol, c'est vrai, je vais te penser à ça. Mais tout ça pour dire que oui, c'est les deux premières saisons, l'histoire de Pablo Escobar d'un côté, puis de la DEA, qui est la police américaine de la drogue, qui s'incruste un peu dans les enjeux colombiens, puis le gouvernement colombien pour essayer de tirer les ficelles, puis de faire tomber Pablo Escobar. Dans la saison 3, c'est par exemple le cartel de Cali qui est aussi en Colombie auquel on s'attaque. Donc ça, c'est trois frères qui c'est deux frères qui ont engagé deux autres personnes puis qui sont devenus leurs associés puis qui sont devenus en fait des joueurs assez importants sur l'échiquier mondial de la cocaïne. Puis ben, c'est encore une fois la DEA qui essaye de les faire tomber avec toujours un des mêmes protagonistes qui est Javier Peña, le personnage en tout cas, qui est un peu un personnage shady, policier shady qui a pas louche. Peur. Exactement, il a pas peur des fois de faire des trucs extrêmement questionnable, ouais, pour faire ton, exactement pour faire tomber le crime organisé, puis c'est pour ses convictions là, au maximum là, c'est quand même assez intense. Il est capable d'aller loin pour ses convictions, puis il est capable de faire des choses même au niveau politique, de faire des coups qui sont assez intenses seulement parce qu'il croit que c'est la vérité, puis c'est ça qui doit sortir. C'est intéressant à voir, mais en même temps c'est inquiétant sachant que le monde a vrai. Ben, c'est sûr qu'il y a une partie romancée, ils disent au début de l'épisode que il y a certains trucs qui sont pas vraiment arrivés, que c'est juste pour un effet dramatique pour la série, mais on comprend quand même qu'il y a un fond qui est basé sur des faits réels, donc qu'il y a quand même certaines parties qui ont... C'est comme notre sarcasme, Tania et moi, basé sur un fond de vérité. Exactement, tout ça. Exactement. On tient à s'excuser à tous ceux qui sont touchés par notre sarcasme. Oui. Puis, tu sais, j'avais déjà fait une chronique où je parlais de Thierry, puis je donnais des notes. Fait que j'ai continué sur cette lancée-là. Ah oui, oui, oui. Fait que Narcos, dans son ensemble, incluant la saison 3, qui vient tout juste de sortir, d'ailleurs, allez la voir si vous avez déjà vu. Sinon, commencez par le début, ça vaut absolument la peine. Un beau 8.5 pour 10 pour la série Narcos. Ah ouais. Oui, très, très bien fait. Est-ce que c'est long à regarder? Combien d'épisodes par saison? À peu près une dizaine d'épisodes par saison. On parle de 45 minutes à 1 heure. À peu près par épisode. Donc, très, très bien de ce côté-là. Cool! Narcos sur Netflix. Exactement. Il y avait autre chose? Ah, pas aujourd'hui. Non. J'ai supposé la faire mercredi. J'étais moins préparé. C'est là. Ça, mercredi. On va s'en prendre la semaine prochaine. Oui, exactement. Je m'en vais à l'Assemblée nationale mercredi. Je vous redonne des nouvelles. Ah, c'est pour ça que tu seras pas là. Oui, exactement. Ah, ouais. Ouais, je vais aller voir une... C'est ça. J'allais voir les députés se faire poser des questions, ça va être incroyable. Ouais. Ouais, c'est la période des questions, puis bon, c'est jamais très très mature l'Assemblée nationale durant la période des questions. S'il y a des détails croustillants, je vous reviens avec ça. Probablement un gag ou quelque chose qui va simplement m'avoir fait rire. Un accent, quelque chose. Exactement. C'est drôle, le mot député, on dirait que c'est comme un verbe. Créer des putes, tu des putes, c'est ça. Il y a certains policiers qui sont plus que sans concerner, je sais pas. Je députe les rues. Et voilà, c'est tant dit. Okay, merci beaucoup, Alex Marchand. On se quitte avec, évidemment, on n'a pas le choix. La chanson thème de Narcos featuring Rodrigo Amarante. Ah, est excellente. Oh mon Dieu, je suis heureux. De ta sonde à jockey dans la tête d'Alex Marchand. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que te ahogar de amor. Y cual este cielo me vas a dar, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será, tuyo será. fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. La chanson thème de Narcos featuring Rodrigo Amarante à Assemblage Requis. On prend une pause, au retour Alexander Brett et Le Monde ce matin. Aujourd'hui. C'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. L'émission matinale à l'Assemblage de qui, accompagnée de Tania Baudin. Et de Mathieu Plante. Ok, oui. Maintenant, c'est le moment, comme on le fait une fois de temps en temps, ça commence à faire un petit ça moment. Ça fait très, très longtemps qu'on ne l'a pas eu ça avec lui. Ça fait un mois et... Ouais. Il était parti en voyage. Ben oui. Il a fait le tour du Canada en train. Le grand voyageur. C'est fou. Alexander Brett, qui commence à, je pense, à avoir un petit... il a monté d'un cran. Côté français, ouais. Ça commence à aller vraiment bien. On va quand même porter très attention à ce qu'il dit dans son bulletin de nouvelles, qu'il n'y a pas d'introduction. Donc, je vais juste l'annoncer comme ça. Oui. Voici Alexander Brett et Le Monde ce matin. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais commencer aujourd'hui avec les nouveaux tristes qui sortent de l'Irak et l'Iran. Mm-hmm. Il y a été un fort tremblement de terre de magnitude 7,2 qui a secoué la région frontière à terre du nord entre l'Irak et l'Iran. Avec 340 décès signalés ce matin. Le séisme a frappé le soir au sud-ouest de la ville de Halabja à une profondeur de 33,9 km selon l'enquête géographique américaine. Cela s'est fait sentir dans la capitale irakienne Bagdad et dans plusieurs provinces d'Iran. Et selon la chaîne nationale d'information iranienne, des équipes du secours ont été envoyées dans les régions occidentales du pays. Et Moteza Salim, chef de l'organisation de Croix-Rouge d'Iran, a dit que des dégâts ont été signalés dans au moins 8 villages et 7 autres villages ont subi des coupes d'électricité et le système de télécommunication a également été perturbé. Et la télévision kurde a également déclaré que beaucoup de gens dans la région autonome de Kurdistan ont fui la maison quand il a frappé, mais il n'y avait aucun rapport initial de victimes au Kurdistan. Et je vais continuer maintenant avec les nouvelles de Donald Trump. Il a voyagé en Chine, au Japon, Corée du Sud, Vietnam, où il a été rejoint par de nombreux chefs gouvernementaux du monde. Et maintenant, il a continué aux Philippines. Donc, un voyage très, très occupé, bien sûr. Un grand voyageur comme moi, peut-être. Mais pas en train, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et tout d'abord, c'est le voyage. M. Trump a insulté Kim Jong-un de Corée du Nord. Puis, quelques heures plus tard, il a déclaré qu'il espérait que les deux pays pourront être amis dans le futur. Donc, c'est vraiment très bizarre, mais c'est exactement le genre de contradiction qui a caractérisé cette année en Asie et laissé de nombreux observateurs se gratter la tête. Et il est susceptible de revenir aux États-Unis cette semaine et dire qu'il a fait un voyage réussi en Asie, un voyage très bien. Et peut-être que ce n'est pas la vérité, mais il y a dans la région ceux qui peuvent être d'accord à dire que ce tour a été très bénéfique, même pas nécessairement pour les États-Unis. On avoue que la Chine était vraiment prête de devenir un concurrent potentiel pour le prêt le plus puissant du monde pendant la visite. Le président américain était certainement traité comme un roi partout où il est allé. Et il est évident que, qu'il aime être fêté et flatté, peut-être surtout maintenant comme tenant de toutes les critiques américaines. Mais nous savons qu'il ne fait pas grand-chose pour la conduite de l'homme d'État disparaisse s'il est provoqué. Alors, les dernières nouvelles de la Catalogne. Et le premier ministre espagnol Mariano Rajoy a déclaré que les élections régionales du mois prochain en Catalogne contribuaient à mettre un fin aux ravages séparatistes dans la région du Nord-Est. Il s'est adressé à un événement de campagne lors de sa première visite là-bas, depuis qu'il a imposé une règle directe sur la région il y a une quinzaine de jours. Défendant cette décision à Barcelone, il a déclaré d'avoir épuisé toutes les routes après la déclaration unilatérale d'indépendance du gouvernement catalan le mois dernier. Plusieurs dirigeants catalans clés sont actuellement détenus au cours de déménagement et quelques 750 000 personnes ont manifesté samedi à Barcelone contre les arrestations, a estimé la police locale. Alors finalement, ce matin, le premier ministre libanais Saïd Hariri a dit qu'il a démissionné pour se protéger et va retourner au Liban en quelques jours, dans ses mots, après que le président libanais et d'autres ont déclaré qu'il était détenu contre son gré dans la capitale suédoise. C'était le premier entretien de M. Hariri après sa démission la semaine dernière, qui a envoyé des ondes de choc à travers la région. Et il a cité une menace non spécifiée sur sa vie durant la conversation. Monsieur Hariri, il est dirigeant et homme d'affaires sunnite. Il a été nommé pour former le gouvernement libanais en novembre 2016, mais il a démissionné la semaine dernière. Mais le président libanais, Michel Aoun, ne l'a jamais officiellement accepté. Et M. Hariri a reconnu qu'il n'avait pas démissionné dans la manière habituelle dans ses mots, mais a dit qu'il voulait donner à son pays un choc positif. L'Iran et son allié libanais, le groupe militant Hezbollah, ont accusé l'Arabie Saoudite d'avoir pris en otage M. Hariri. Mais M. Hariri a insisté sur le fait qu'il était libre de voyager à sa guise dans le pays. Si je veux voyager demain, je le ferai, a-t-il dit, avant d'affirmer qu'il ne serait pas responsable d'une confrontation avec les États arabes, citant le récent lancement d'un missile contre le Riyad, le capitale libanais, au Yémen. Et la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite a accusé les activistes Hezbollah, iraniens et libanais, travaille aux côtés des rebelles houthis d'être l'origine de la grève. Alors, donc, voici vos nouvelles de ce matin. C'est beaucoup de choses à l'international. On n'en parle pas assez de ces nouvelles-là. Merci beaucoup, Alexander Bratt, pour Le Monde ce matin. On te retrouve dans deux semaines pour une autre chronique. Pour l'instant, on écoute Philippe Braque avec La fin du monde. Ça ressemble à ça. C'est Dadon, hein? Bel hasard.

la chronique où on partage nos coups de cœur. On a tellement de choses qu'on aime dans la vie que des fois, on doit le dire. Exactement. C'est et c'est toi qui commence aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je vous parle d'un mouvement, en fait, parce que, bon, le temps des fêtes arrive et c'est souvent un temps où on veut s'entraider, où on veut donner un coup de main à certaines personnes. Alors, je vous présente Blush It Forward. Oh. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une initiative, en fait, annuelle pour distribuer des sacs de produits de beauté aux femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc, ça a parti dans la grande région de Montréal et on s'est dit que de redonner à la communauté, de rendre la confiance aux femmes qui vivent des moments qui sont quand même assez difficiles avec des produits de beauté, une à la fois, ça peut faire un changement. Et souvent, dans le temps des fêtes, bien, les femmes, on aime quand même se sentir jolies, on aime se sentir à notre 100%, être en famille. Alors, pour ces femmes-là qui sont victimes de violences conjugales, parfois, le maquillage peut être une bonne façon de se sentir mieux dans notre peau. C'est un mouvement qui a été créé en 2015 et, comme je le disais, qui a pour but d'amasser des produits cosmétiques qui sont neufs en tout genre. Donc, maquillage, produits pour la peau, produits pour les cheveux, pour les ongles, gros format, format voyage, échantillons, peu importe, on les prend tous. Et comme je le disais, bien, ils proviennent de maquilleuses, de coiffeuses, de cosméticiennes ou encore de citoyennes. Ouais. Et on va pouvoir les distribuer dans des centres pour femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc, au total, l'an dernier, il y a environ 500 sacs qui ont été distribués dans des centres de Montréal, Longueuil, Trois-Rivières en fait maintenant partie, Sherbrooke aussi. C'est une idée, c'est quelque chose de vraiment simple. Et si on décide de donner des produits de beauté, des petits accessoires pour ajouter un petit peu de joie dans la vie des personnes qui passent des moments difficiles, bien ça égaye leur journée, ça égaye leur temps des fêtes. La collecte de produits va se faire du 1er novembre au 8 décembre 2017, sachez-le. Et si vous voulez faire des dons de produits ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter Bianca. C'est elle qui est en charge de la Mauricie. Donc, c'est biancaartiste@gmail.com. Je vous mettrai le lien sur la page Facebook d'Assemblage Requis si jamais vous voulez aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Sur un sujet comme celui-là, comment passer au mien? Hein? Non! Le mien est vraiment plus léger que ça. Okay. Je te parle de radio un petit peu. C'est parfait. Ouais, parce que pour les jeunes adultes, la radio, apparemment, c'est comme le comfort food des médias. OK. Cet article de Radio RFA, qui est l'Alliance des radios communautaires, ça commence à dater quand même l'article, mais le concept reste le même. Certains pourraient penser, comme toi et moi, des fois, que les jeunes adultes n'écoutent plus la radio. Oui, c'est vrai. Bon. Sachez d'une part qu'ils l'écoutent à l'adolescence et lorsqu'ils entrent sur le marché du travail, ils l'écoutent encore davantage, selon une étude, parce que la radio, c'est un peu comme le comfort food des médias pour eux, comme tout le monde. Certaines personnes, pour d'obscures raisons, essaient de vous faire croire que les jeunes abandonnent la radio, nous dit-on. On pourrait effectivement croire qu'après avoir consacré leur adolescence à écouter leur baladeur MP3 ou encore des vidéos sur YouTube, les jeunes désertent toujours plus la radio. Et il n'en est rien, bien au contraire. Donc, c'est le site Inside Radio qui révèle les détails d'un sondage Nielsen, particulièrement intéressant sur l'écoute des jeunes adultes de la radio. Donc, adolescents, les 12-17 ans consacrent encore en moyenne 9h15 par semaine à la radio. Oh, quand même! Ou à la diffusion de numérique en continu, donc évidemment, Spotify compte là-dedans, ce qu'on appelle le streaming. Donc, ensuite, lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, entre 18 et 24 ans, et entrent sur le marché du travail, loin de couper dans leur écoute de la radio, ils l'écoutent au contraire davantage, soit 10h15. C'est 1 heure de plus qu'à l'adolescence. Incroyable. Donc, plus on gagne en maturité et en responsabilité, plus on revient aux valeurs sûres. Nielsen a réalisé un comparatif depuis 2011 jusqu'à 2017. Il y a une corrélation entre l'accès au marché du travail et l'écoute de la radio, disent-ils. Les mêmes jeunes qui écoutaient relativement peu la radio lorsqu'ils étaient âgés de 12 à 17 ans en 2011 sont les mêmes qui, rendus en 2017, se retrouvent sur le marché du travail dans une proportion de 64% et écoutent la radio. Fait plus intéressant encore, les chiffres se vérifient tant chez la génération Y, aussi appelée les milléniaux, ça c'est celui né entre 1980 et 2000, dont on fait partie, toi et c'est moi. C'est pas mal nous, hein? Que chez la génération Z, née entre 1995 et 2015. À chaque fois qu'on fait des recherches sur ces termes-là, les années changent toujours. Oui, c'est ça. Génération Z, c'est la première fois que je l'entends. Ouais, 95 à 2015, les très, très plus jeunes. C'est notamment parce que la radio demeure un média multigénérationnel qu'on peut suivre toute sa vie. Elle permet entre autres d'être informé facilement et jouer d'une excellente crédibilité. Hein? On s'attache à une station qui nous ressemble, qui nous parle tout particulièrement, dit à Radio RFA. Mobile, on peut accomplir d'autres tâches en même temps qu'on la consomme, ce que les autres médias, écrits et vidéos, entre autres, ne permettent pas. Qu'on écoute sur un récepteur FM standard, sur un téléphone doté d'une puce FM ou encore en streaming, c'est d'ailleurs le média qui est le mieux adapté aux changements technologiques. Donc, c'est ça. Les jeunes adultes ne diffèrent pas de leurs années. La radio est donc le comfort food des médias. Des faits qui avaient déjà été corroborés en Europe en 2015 ainsi qu'en 2014. Donc, un petit peu partout dans le monde, la radio, ça reste, même si on a l'impression que c'est un peu moins présent, ce l'est encore. Cool, hein? Très cool. Et justement, parlant de radio et parlant de streaming, j'ai écouté en fin de semaine la télé. Bien sûr, tout le monde écoute à un moment donné, une fois de temps en temps, la télé. J'écoutais l'épisode de cette semaine de Saturday Night Live. Mm-hmm. Et il y avait une publicité de Apple Music que j'ai bien aimée. La chanson est vraiment cool. C'est par Noga Erez. Donc, on écoute cette chanson de Apple Music. C'est Dance While You Shoot. Assemblage requis, tu manges mon cœur. I finally lost my patience. I gave my heart too many medication. It's over, you're done, you're gone, you're gonna. Hey, I got my ticket, mission accomplished. I won't miss it, won't dish it. Beating my people, taking my money, wasting a chance of sanity. But can you dance while you shoot? Can you dance while you shoot? Can you shoot while dancing? Can you move while you shoot? Shoot, shoot, shoot. My fantasy is you've taken after a swing your fingers, you made the middle one. Hey, I got my weapon nice and polished. They hit mock me, so cocky, you know how to pet. The same time you threat, I think that's loyalty. But can you dance with a shirt? Can you dance with a shirt? Can you shoot while dancing? Can you move with a shirt? Can you dance with a shirt? Can you dance with a shirt? Can you shoot while dancing? Can you move with a shirt? Can you shoot while dancing? Can you dance with a shirt? Can you shoot while dancing? You can shoot on that thing. Can you dance while you shoot? Can you shoot on that thing? Can you dance while you shoot? With no knife, with no gun in hand, I can hit you, I can keep you down. All undone, pile of papers, you really gotta sign. You should call, we don't like to hear. Any point, you can go back to the main man. You just press one. You still don't know how to hide it, so damn fucking good. You cheat and know how to justify it, so damn fucking good. Oh my, look at all this mess. Got you in the balls, got you in your softball. You couldn't really guess. Sip you out, pick the corner there just for you. I thought you had me there, you played the wrong game. I thought you had a fool right there, you messed with the wrong name. I take my name and my game and I throw it down the toilet. I take my shame and my anger and my best set to go with. My mind is set and I'm no easy one to push, however. I know you know to master anything with pressure, pressure. But can you dance for the shit? But can you dance for the shit, shit? Can you shoot while dancing? Can you shoot while dancing? Can you shoot while dancing? Can you dance while you shoot? Can you shoot while dancing? But you could shoot while dancing. Can you dance while you shoot? Can you shoot while dancing? Can you dance while you shoot? Can you dance while you shoot? Shoot, shoot. While You Shoot de Noga Erez, c'est le bout qu'on vient d'entendre, les 30 dernières secondes qui sont dans la pub d'Apple Music, et c'est mm-hmm. pour ça que je l'ai adoré. Juste pour ce petit bout-là, le reste de la chanson, moyen, mais ça, là, c'est très bon. Noga Erez, N-O-G-A, espace, E-R-E-Z, Dance While You Shoot. Et en passant, si vous avez entendu une publicité d'Apple à quelque part et que vous voulez entendre, vous voulez savoir en fait quelle chanson est dedans à part le Shazamé, hein, vous pouvez avoir tout ce qui est les chansons que tu dis dans les conférences de presse, les publicités, les vidéos sur YouTube, tout ça sur applemusic.info. Applemusic.info, un site qui liste la musique d'Apple en général par date et avec des liens même pour les acheter sur iTunes. Voilà. C'est pour que tu manges mon cœur. On adore ça. C'était cool, ça. Une fois de temps en temps, là, se partager nos coups de cœur. Alors, on prend une pause au retour. Ah, ça va être un petit peu plus lugubre. Oh. Après le crime, au retour. Merci. Là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage anti-potrin aujourd'hui. C'est vers l'Assemblage Rocky en ce lundi 13 novembre 2017. Elle est Tania Bonner. Et Mathieu Plante. Dans une, je dirais, vingtaine de minutes, on va voir. Là, on devrait avoir peut-être Xavier McLeish, mais avec le trafic, je sais pas s'il va se rendre. Je sais pas. C'est comme rendu... C'est tout le temps très compliqué pour que Xavier se rende au studio. Des fois, là, Des fois, il peut pas. On va voir. On va voir ce qui s'en vient tout à l'heure avec ça, mais pour l'instant, c'est le moment de parler de choses lugubres, de gens qui ont commis des actes répréhensibles, dans ce qu'on appelle « après le crime ». Après le crime où les gens font des choses pas correctes, on revient sur une nouvelle que j'ai abordée la semaine passée dans la chronique. Tu te rappelles de l'histoire de la madame de 325 livres, la cousine d'une petite fille qui s'était assise dessus pendant plus de 10 minutes comme punition. Oui, ben oui. Donc un jury l'a trouvé coupable à Pensacola en Floride, donc pour un meurtre au premier degré, pour s'être assise sur sa cousine de 9 ans jusqu'à sa mort, selon le Pensacola News Journal. Veronica Green Posey, 64 ans, a donc été accusée mardi, il y a quelques... C'était mardi dernier, voilà, en connexion avec la mort de Derica Lindsay. Les autorités croient que Posey punissait la fille parce qu'elle n'était pas correcte avec ses parents adoptifs. Grace Jones-Smith, 69 ans, et James Edmund Smith, 62 ans, le 14 octobre dernier. Les témoins auraient dit que la jeune fille de 9 ans avait un couteau et un marteau et un couteau. Oui, c'est ça, à ce moment-là. L'enfant aurait dit à Posey qu'il pesait 325 livres et ses parents adoptifs qu'elle n'arrivait pas à respirer pendant cette punition impensable, selon NorthEscambia.com. Apparemment, selon le témoignage, Posey aurait dit à l'enfant d'arrêter de faire semblant alors qu'il était en train de perdre conscience. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais. Ensuite, c'est un travailleur dans un métro à New York qui a frappé un homme qui est en train de dormir. C'est un passager d'un métro qui a été botté pendant sa petite balade en train à New York. L'incident a lieu vers les 21h, alors que le Metropolitan Transit Authority, les employés ont en fait essayé de vider le train de ses passagers alors qu'on arrivait au dernier arrêt du train. Donc le train G qui opère entre Brooklyn et Queens dans les quartiers de Kensington et Long Island City respectivement, après que la plupart des passagers aient quitté la station de train sur Church Avenue à Kensington, un seul employé a commencé à tirer sur un homme qui est en train de dormir. Donc elle a tiré sur le plancher dans le sens de le traîner, si on veut. La vidéo qu'on voit sur assemblagerequis.com montre ça, alors que le travailleur de la MTA tire sur l'homme somnolent par sa veste. Un autre passager, lui, le suit avec sa caméra. Donc, le travailleur du métro. C'est pas mal ça, finalement. Ouais. C'est pas mal ça. Ensuite, une mère qui aurait laissé 4 enfants à la maison seule avec un fusil chargé pendant qu'elle prenait une vacance de 11 jours pour l'Oktoberfest. Ah, ben oui, rien de moins. En Allemagne, elle plaide non coupable. Donc, la mère de l'Iowa qui a laissé 4 enfants à la maison seule alors qu'elle faisait un petit voyage de 11 jours a plaidé non coupable. Erin Mackey, 30 ans, était accusée de 4 chefs d'accusation d'avoir mis la vie de ses enfants en danger. Et aussi du transfert d'une arme à feu à une personne de moins de 21 ans. Selon le Daily Mail, la police dit que la mère n'a pas réussi à trouver de gardien ou de gardienne pour ses 4 enfants. enfants, deux jumeaux jumelles de 12 ans, un enfant de 7 ans et un enfant de 6 ans, vont quitter pour un voyage de 11 jours en Allemagne le 20 septembre dernier. Un des plus jeunes enfants a appelé le père le jour où Maki a quitté pour ses vacances et lui a appelé la police pour qu'ils aillent voir les enfants. Lorsque la police est arrivée, ils ont découvert les enfants à la maison seuls et un fusil Glock 9 mm pas chargé. Attends un petit peu. Unloaded, ouais, c'est ça, pas chargé. Ouais. Avec deux magazines, deux trucs de balles. Mm-hmm. C'était sur le bureau, ben, sur la commode de Maki. Donc, les enfants ont dit à la police que la mère ne prévoyait pas revenir avant le 1er octobre. La police a appelé la mère ce jour-là, le 21 septembre, lui demandant de revenir à la maison, mais elle n'est pas revenue avant le 27 septembre. Les autorités l'ont arrêté le lendemain. La DPJ locale, donc l'Iowa Department of Human Services, a depuis pris les quatre enfants sous son aile et les ont placés chez d'autres membres de la famille. Et un juge a demandé à Maki de ne pas contacter ses enfants. L'ex-mari de Maki et le père des deux plus jeunes enfants a dit à Inside Edition qu'il n'est pas surpris par cet acte intentionnel d'avoir laissé donc ses enfants seuls à la maison alors qu'elle prenait ses vacances en Europe. Ça ne l'a pas surpris. Ensuite, un garçon de 2 ans s'est noyé dans une piscine pendant que son père était sous après avoir bu de la Four Loko. Ah-ha! Ah oui, un père de la Pennsylvanie qui a été arrêté après que son fils de 2 ans soit noyé dans une piscine alors que le père était sous-raide, alors qu'il était supposé regarder, surveiller les enfants, donc le petit garçon et l'autre, son frère de 5 ans, selon le New York Post. David Gammon, 35 ans, était accusé donc d'homicide involontaire et d'avoir mis la vie de l'enfant en danger après que son fils Anakin Gammon, il s'appelle Anakin Gammon, soit mort en septembre. Gammon aurait dit à la police qu'il ne faisait que prendre des petites gorgées de Four Loko lorsque Anakin et son vieux frère jouait dans la cour à l'extérieur de la maison. Gammon serait tombé dans les pommes et les enfants se sont éloignés de la maison un petit peu. Un voisin est arrivé, a réveillé Gammon après que le troisième fils de Gammon ait dit qu'il n'était pas capable de réveiller son frère ou de réveiller son père ou de trouver ses frères. Voilà. Donc le voisin a appelé la police et leur a dit que Gammon sentait l'alcool et qu'il avait l'air intoxiqué. La police a réussi à trouver le garçon de 5 ans qui est un enfant avec des besoins particuliers à quelques pâtés de maison de là. Anakin a été trouvé inconscient dans la cour arrière, dans la piscine de la cour arrière, pardon, à 9 pâtés de maison de là. C'est quand même assez loin. On a essayé de ramener le garçon à la vie. Il a été prononcé mort à l'hôpital et un examen médical révèle qu'il est donc mort par noyade. Gammon restait en prison en date des derniers jours pour attendre son procès qui aura lieu le 17 novembre. Ensuite, un petit chemin de sang qui a aidé les détectives à trouver une mère qui avait dompé son enfant nouveau-né dans la poubelle. Quoi? Les autorités ont arrêté une femme dans le Texas 2 semaines après avoir trouvé un enfant nouveau-né à l'intérieur d'une poubelle d'un bloc appartement de Austin, selon KXAN. Le nouveau-né a été trouvé à l'intérieur de la poubelle le 25 octobre dernier au Mira Vista Apartment. Donc, c'est un bloc appartement vers les 6h55 du matin. Une personne qui cherchait des affaires dans la poubelle, tu sais, un dumpster diver, mm-hmm. quelqu'un qui allait chercher quelque chose, je sais pas trop là-dedans, a trouvé l'enfant vivant en train de pleurer après avoir tassé un morceau de bois que quelqu'un avait placé par-dessus l'enfant. Lorsque les autorités sont arrivées, ils ont trouvé l'enfant, une petite fille, avec son placenta toujours attaché. Non, non! Ouais, ils l'ont amené à l'hôpital local pour un traitement médical où elle était en condition critique. L'enfant est maintenant avec la DPJ locale, le Texas Department of Family and Protective Services. Oh my God! La mère du bébé, Althea Johnson, 27 ans, aurait laissé donc un chemin de sang menant de la poubelle jusqu'à la chambre où elle était à l'intérieur du bâtiment. Mais là, franchement... Je te jure... Selon les documents de la cour, les autorités ont trouvé des équipements de nettoyage et une éponge sur la toilette de la salle de bain. Les officiers ont posé des questions à Johnson, qui à l'origine leur disait qu'elle avait simplement été... qu'elle avait eu ses menstruations dans la salle de bain, mais plus tard, elle a admis que c'est elle qui avait dompé l'enfant dans la poubelle. Oh, mon Dieu. Wow. Les autres enfants qu'elle a eu aussi sont avec la DPJ locale. Elle est derrière les barreaux avec une caution de 60 000 $ accusée de l'abandon de son enfant, qui est un crime. Ensuite, ouf, un voleur qui parle peut-être un petit peu trop, un suspect qui a accidentellement révélé son propre nom à la télé en direct. OK. Un homme qui, selon la police, aurait fait un hold-up de 2 banques a accepté d'être interviewé par un reporter télé qui filmait un reportage sur le trafic là-bas. Ashley Thompson, qui travaille pour CBS 46 à Atlanta, n'a pas reconnu l'homme comme étant l'homme recherché par les officiers. Elle disait que le voleur de banque présumé lui a même donné son vrai nom. Les enquêteurs cherchaient cet homme depuis 2 semaines et apparemment qu'on l'a un petit peu pris par surprise, c'est ce que la police a dit à la reporter, je pense que tu l'as surpris un peu. Donc il a pas pensé qu'il avait pas, qu'il pouvait pas dire son nom en tant que tel. Les officiers ont plus tard dit à l'homme c'est ça, finalement il a été arrêté, j'imagine, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben j'espère. C'est pas mal ça. Les enquêteurs ont remercié le reporter et lui ont dit qu'ils appréciaient énormément son travail pour avoir réussi à capturer Monsieur Rivers. Mm-hmm. Voilà. Ensuite, une escorte a tiré un homme dans la tête parce qu'il était mauvais au sexe oral, selon la police. Ben oui, une femme d'État de Washington a été arrêtée pour avoir tiré un homme dans la tête et avoir volé son portefeuille. La prosecution dit que Marissa Wallen, 21 ans, travaillait comme escorte chez un homme de 36 ans en plein milieu d'activité sexuelle. Donc, il a survécu à cet incident. Selon les documents de cause probable, Wallen a admis avoir tiré l'homme parce qu'il n'était pas très bon au sexe oral et il ne savait pas comment lui dire. Les policiers ont découvert la victime dans sa maison 3 jours plus tard. Les documents de la police disaient qu'il avait du sang sec sur sa tête et qu'il était éveillé, mais qu'il ne répondait pas. La paperasse disait aussi que Wallen a été capturé sur vidéo à l'intérieur et à l'extérieur de la maison en train de quitter la scène. Il est accusé d'avoir fait plus de 10 000 $ de dommages, pas de dommages, mais de charges sur sa carte de crédit à l'homme. Un voisin a dit à KIRO, oui, qu'il aimait montrer son argent, cet homme-là. Hey. Donc, le voisin a dit, c'est sûr que ça va arriver. Tu vas attirer des mauvaises personnes si tu montres ton argent. C'est blâmer la victime, comme on appelle là, souvent. La police a arrêté une autre personne, Jerry Matthews, disant que Wallen lui avait envoyé de l'argent via le compte en banque de la victime. Wallen a été reçu devant la cour par vidéo. Le juge a noté qu'elle avait 13 mandats d'arrestation ouverts contre elle et la caution est donc à 1 million de dollars pour s'assurer qu'elle ne puisse pas partir. Est-ce que tu as entendu parler de ça sur Internet? En ce moment, ça court pas mal sur Facebook. L'actrice de Smallville, qui serait la deuxième au top d'un culte, d'une secte sexuelle, présentement non? sous enquête. T'as laquelle? Pas entendu parler de ça? Est-ce que tu veux savoir, est-ce que tu veux prédire qui, dans la distribution de Smallville, est une personne au sommet d'un ring, d'une secte de sexe prisonnière? Dans les femmes. Dans les femmes. OK. Dans Smallville. Elle va faire des recherches sur c'est Google. C'est sûr que je fais des recherches. Mais non, mais c'est parce que je veux son nom. Je me souviens plus de son nom. Dis-moi le rôle, au pire. Bien, celle qui joue la meilleure amie, Allison Mack. Exactement. Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment elle? C'est vrai? Je te jure. Mais voyons donc. Oui. Une nouvelle en ce moment qui court un petit peu partout, que l'actrice de Smallville est dans une secte secrète sexuelle qui est présentement sous enquête après que des anciens membres du groupe aient raconté avoir vécu des expériences horribles. Allison Mack, 35 ans, ancienne actrice de l'émission Smallville, serait présumément membre du DOS, un groupe secret de NXIVM, où les membres sont considérés, sont en fait marqués avec un fer chaud. Max ben serait non. la deuxième au sommet. Le NXIVM n'est pas un secret en tant que tel. L'organisation est publique et se montre comme, en public comme étant un programme de coaching pour les femmes qui utilisent le Executive Success Programs, donc pour entraîner ses membres. Depuis les années 90, le groupe a recruté plus de 16 000 personnes pour participer dans ses programmes, selon le New York Times. Certains membres ont été attirés par son fondateur Keith Raniere, aussi connu sous le nom de Vanguard, et abandonnaient leur carrière, leurs amis et même leur famille pour le suivre. Le sous-groupe de NXIVM, je sais même pas comment on prononce ça, DOS, le sous-groupe, serait une société secrète à l'intérieur de NXIVM, selon le Daily Mail. Un ancien porte-parole du groupe Frank Parlato dit que Mac, Allison Mack de Smallville, encore mm-hmm. Est non seulement la deuxième au sommet du DOS, mais qu'elle est aussi responsable pour recruter de nouvelles femmes dans l'organisation. Parlato indique que DOS opère sur un système hiérarchique. Rainer est au sommet et Mac est son bras droit, présumément. Mac aurait des esclaves en dessous d'elle qui, eux, doivent recruter leurs propres esclaves, similaires à donc... C'est pyramidal. C'est exactement c'est ça. C'est pyramidal, mais sexuel et cynique. Ouais, vous pouvez aller lire les histoires d'anciens membres. Il y en a plusieurs en ce moment, selon le New York Times. Je vais ben pas vous les lire. Voyons donc. Parce que c'est assez détaillé, mais ils ont tous le même branding, le même fer chaud avec les lettres. C'est AM et l'autre, Keith Raniere, c'est KR. Donc ça aurait du sens, mais tu sais, ça peut très bien être une théorie du complot, tout ça. On n'a aucune idée, c'est vrai. On va suivre le dossier, évidemment. Mais avoue qu'il y a l'air d'une fille qui pourrait passer inaperçue de même. Ah, vraiment. C'est comme la petite fille angélique dans Smallville. Hein? Ouais. Et ailleurs dans la vraie vie. Donc Allison Mack, évidemment, on ne fait que dire que ça se peut. Ça veut pas dire que c'est vrai. Est-ce qu'on va entendre... c'est sûr qu'il faut suivre ça de près. Oui, non, mais ça, c'est certain que je vais voir passer quelque chose là-dessus. Ça m'intrigue beaucoup trop. Ensuite, pardon. Il y aurait une femme qui aurait essayé d'engager quelqu'un pour tuer son mari. C'est assez glauque comme histoire. Ça se passe au Texas. Elle a reçu une sentence 20 ans en prison l'année passée après avoir essayé d'engager un hitman pour tuer son mari. Et après que son mari ait fait semblant, faké sa propre mort pour essayer de l'attraper en plein acte, en pleine action. Dévoyant, non? Maintenant, sa victime, le coach de boxe Ramon Sosa, raconte l'histoire de comment lui et les enquêteurs locaux ont utilisé du maquillage de scène pour convaincre son ex-femme Maria Sosa qu'il était mort. Quand même. Aïe, aïe. Le couple était en processus de divorce au moment de ce qui s'est passé en 2015. La prosecution a plus tard dit que Maria voulait que Ramon soit mort pour pouvoir ramasser son argent. Maria a rencontré un homme qu'elle croyait être un hitman. En fait, c'était un policier undercover, incognito. Elle lui a promis 4 000 $, des bijoux et le camion de Ramon en échange du meurtre de celui-ci. Les officiers ont pris une série de photos de Ramon dans sur le bord d'une route là, avec du maquillage spécial appliqué à sa tête pour donner l'impression qu'il était mort. Finalement, ils ont réussi à mettre Maria derrière les barreaux. Oui, hey, une chance. Ouais, exactement. Continuons avec une mère. On revient dans le glauque un petit peu avec des nouvelles qui sont pour un public plus ou moins averti. Hein. Une mère qui bat son petit garçon à mort. Mais voyons donc. Prend son corps, l'amène dans un train pour visiter la famille. Hein? Je te jure, c'est une femme de l'Illinois qui est accusée de meurtre après avoir amené son fils décédé dans le train. Elle l'a placé dans un siège sur le coin avec un sac à dos pour le tenir debout, mais pour le tenir assis finalement. Ouais. Le New York Post dit que l'incident a eu lieu le 1er juillet lorsque Jamie Jones, 29 ans, a ramené le garçon qui est Carl Rice Jr. de 6 ans au Round Lake Beach Metro Station, donc une station de train, avec sa fille de 9 ans aussi. Ils ont pris le train pour aller à Chicago. La vidéo de surveillance montre Jones en train de transporter le garçon sur ses épaules. Après avoir quitté le train, il entre dans un véhicule avec son fils décédé et sa fille. Les autorités plus tard ont dit que le véhicule était conduit par le père de Jones qui les a ramenés à la maison. Lorsqu'il est arrivé à la maison des parents, Jones a réalisé que le garçon ne respirait pas et a appelé le 911. Oh my God. Selon le Chicago Tribune, une autopsie a indiqué que le garçon était mort entre le 30 juin et le 1er juillet. Il a souffert d'hémorragie au cerveau et il avait des bleus partout sur son visage et sur son torse. Wow. Les autorités avaient précédemment reçu un message sur les réseaux sociaux de la part du père du garçon qui expliquait que Jones avait battu le garçon, Jones étant la mère. Mm-hmm. Ensuite, Jones a utilisé une ceinture pour battre le garçon. On peut sauter les détails. Jones reste derrière les barreaux avec $1 million de caution. La fille de 9 ans est présentement dans la maison d'un membre de la famille et surveillée aussi par la DPJ locale, l'Illinois Department of Children and Family Services. Wow! Ouais. C'est incroyable. Ah, ce qui peut se passer dans la vie. On peut accueillir... On n'accueille pas. Après, je voulais laisser quelqu'un participer à cette chronique-là. Après avoir refusé une demande en mariage, un homme a brisé le cou d'une adolescente. Hein? Ouais, et l'a tranché à mort. Ah, il a l'air d'un gars très respectable sur sa photo de mugshot. Un gars très sain d'esprit. C'est un homme de la Pennsylvanie qui est accusé d'avoir tué une femme de 19 ans après qu'elle l'ait rejetée pour une demande en mariage. Selon le Morning Call, Christopher R. Tucker, 34 ans, a craqué. A pété les plombs lorsqu'il a demandé à Tara M. Serino de le marier et elle a refusé. Tucker est accusé d'avoir cassé le cou de la jeune femme et de l'avoir attaqué avec une hache avant de rouler son corps dans un tapis et de quitter l'État. Meurtre brutal qui a eu lieu près de la maison de Tucker à Berks County. Selon les dossiers de la cour obtenus par le Morning Call, Serino, un ami du suspect, était allé volontairement avec Tucker chez lui juste après minuit le 30 octobre, promettant que son père allait l'appeler plus tard. Ah, ok, bon, les détails, là, ça va faire. Hein. Il y a tout le temps des détails vraiment très profonds. Bref, Tucker est accusé d'homicide criminel, meurtre au premier degré, meurtre au troisième degré, et attend donc à être ramené en Pennsylvanie dans une prison de l'Illinois en ce moment. C'est ça? Oui. Hey. Ensuite, un tueur en série, une infirmière tueur en série. C'est rare qu'on entend ça ensemble. Une infirmière tueur en série qui aurait possiblement tué plus de 100 patients. Ah, ben voyons donc. Ouais, une infirmière qui sert déjà une sentence à vie pour 2 meurtres et maintenant accusée d'avoir tué au moins 100 patients dans 2 hôpitaux allemands où elle travaillait. Evil Niels Ogle, 41 ans, a été mise en prison en février 2015 pour avoir tué 2 patients en soins intensifs, selon la BBC. La prosecution croit que c'est un homme, je m'excuse, qu'il a tué 38 patients à Oldenburg et 62 patients à Delmenhorst. Holy moly! Entre 1999 et 2005, les enquêteurs ont exhumé les corps de 134 patients pour localiser, pour trouver des traces de médication, de médicaments qui auraient pu éteindre leur système cardiovasculaire, selon l'Associated Press. Ogle aurait amené donc l'arrêt cardiaque chez ces patients-là parce qu'il aimait la sensation de les ramener à la vie. Il tuait des gens temporairement pour pouvoir les ramener à la vie. Tu comprends? C'est glauque, là. Ben voyons donc. Selon le Sun, le chef enquêteur de la police, Arne Schmidt, a dit au mois d'août que Hoagle, que ces meurtres de Hoagle n'avaient pas de pattern, n'avaient pas de répétition. Tout ce qu'il faisait, c'est prendre des patients qui étaient critiquement blessés pour les faire mourir et les ramener à la vie. Wow. Oui, c'est spécial. Ouais. La police a aussi accusé deux anciens membres de l'équipe de l'hôpital pour ne pas avoir dit, évidemment, que le comportement de Hoagle était suspect. Les accusations devraient venir l'an prochain. Le Sun dit que les sentences consécutives ne sont pas possibles dans le système allemand. Donc, même si la personne est retrouvée coupable de plusieurs autres crimes, les sentences consécutives, ça n'existe pas chez eux. Ah, OK. Ensuite, alors ça, c'est l'histoire d'un père. Tu sais, il y a souvent des pères qui sont un petit peu louches dans la vie. Le père ici qui a tué son jeune fils, qu'il vient tout juste de rencontrer. Là. Il venait juste de le rencontrer et a fait une blague ensuite sur le fait qu'il allait avoir une mère de moins dans ses pattes. One less baby mama. Non! Ouais, donc un homme du Colorado qui aurait possiblement étranglé, sinon au moins battu son fils de 4 ans qu'il venait tout juste de rencontrer. Il l'a battu à mort. Il a reçu sa sentence. Il va passer sa vie en prison. People disait que Jeremy Deontay Ralph, 26 ans, a été trouvé coupable au mois d'août d'un meurtre au premier degré par une position d'autorité, bien sûr, en décembre 2016. La mort de Montana Glynn. Ralph a appelé le 911 pour une noyade possible, mais la police a conclu que le garçon avait été battu à mort et placé dans le bain comme couverture. Dans le sens pour couvrir tout ça. Ralph aurait dit aux autorités qu'il a pris des médicaments pour dormir et s'est endormi pendant que Glynn était dans le bain. Il a dit qu'il s'est réveillé et que l'enfant flottait dans le bain sans réponse. Mais par contre, les officiers de police ont dit que le bain était sec. Et le détective de Colorado Springs dit que le sang de l'enfant était situé partout dans la maison, donc ça n'avait absolument rien à voir avec une noyade. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres détails. Mais KOAA nous dit que l'homme du Colorado va servir une sentence à vie sans possibilité de probation. On va en faire deux petits derniers, si ça te dérange pas. Une femme de l'Oklahoma qui est coupable d'inceste après avoir marié sa mère biologique. Hey, j'ai vu ça! C'est incroyable, ça. Hein? Mais elle le savait pas, apparemment. Apparemment. Donc, une femme de l'Oklahoma qui a reçu une sentence 10 ans pour avoir... ça dit probated. Je ne sais pas ce que le terme probated veut dire. Il va falloir que je fasse des recherches, mais bon. Donc, pour avoir une relation incestueuse avec sa mère biologique qu'elle a mariée l'an passé. C'est le New York Daily News qui nous dit que Misty Spann, 26 ans, a plaidé coupable au crime cette semaine dans la Stevens County District Court. Elle a reçu 10 ans de probation. C'est de la probation. Et une sentence, donc sa sentence était donnée par le juge du district Ken Graham, selon le Tulsa World. L'affidavit indique que la police a appris qu'il y avait un mariage entre la mère et la fille pendant une enquête sur le bien-être des enfants. Oh mon Dieu. Les deux se sont rencontrés en tant qu'adultes en 2014. Patricia Spann, 44 ans, a été réunie avec ses 3 enfants après avoir perdu leur charge. Patricia Spann a plus tard dit aux autorités qu'elle et sa fille ont commencé à avoir un petit contact. Là, il y avait une petite étincelle entre les deux après cette reconnexion. Elle les a reconnus, ouais, par exemple, comme ses enfants. Non, mais c'est vraiment ça. Okay. C'est vraiment ça. Donc, Misty Spann, son certificat de naissance ne la listait pas comme mère biologique. Donc, les deux ont pu se marier, selon les documents de la cour. Patricia Spann fait face donc aux mêmes accusations et devrait apparaître en cour au début de 2018. L'affidavit indique qu'elle et son fils biologique sont aussi mariés. Ben voyons donc! Ce mariage-là de 2008 a été annulé en 2010 après que le fils ait rapporté ça à la police comme étant de l'inceste. Franchement? Et son mariage avec Misty Spann s'est terminé de la même façon. Tulsa World cite des dossiers de la cour du comté, qui montre que le mariage était annulé il y a environ un mois. Misty Spann a demandé l'annulation environ 6 semaines plus tôt par raison d'illégalité et de fraude. Misty Spann aurait blâmé des mauvais conseils légaux sur les croyances de sa mère que le mariage était légal. La loi de l'Oklahoma empêche l'inceste, qui est punissable par environ jusqu'à 10 ans, de prison. Ah boy! Histoire de l'année. Ça va mal à la shop. Wow. Je vais arrêter ça là parce que ça finit drôle à la place de finir violent et triste. Ouais. Ok, on va arrêter là. Ok, c'est bon. L'autre, c'est la mort d'un chien. On va regarder ça pour une autre fois. Après le crime, les liens sont dans les notes de l'émission numéro 154 sur assemblagerequis.com. Après la pause, un petit peu plus heureux, avec l'apparition surprise d'Alfalfa, le lutin. Oh là là! Yeah! Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Toujours assemblage hockey, oui, en ce lundi matin, 13 novembre 2017, avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On était en train de faire autre chose, apparemment, en train de discuter avec notre nouvelle amie, parce qu'on a une surprise pour vous. Ouais. Non seulement Alpha Alpha le lutin va être là, mais il nous a amené un invité surprise. Ah ouais? Ouais, je te jure. Avant ça, petite intro, et je pense même que... On va écouter l'intro pour commencer, pour se mettre dedans. OK, attention. Alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, le lutin. Wow, c'est parfait, hein? C'est merveilleux. C'est malade. Refais-nous ça sans le fond pour qu'on puisse remixer ça plus tard, OK? Oui, c'est ça. Alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, alpha, le lutin. Wow! Merveilleux. Ça va être un hit plus tard. C'est Alpha, alpha, salut! Ça va bien? Ah oui! Ça va très bien. Merci d'encore une fois remplacer Xavier qui est encore pris dans le trafic. Là, quel dommage, hein? Il y a de la misère avec son véhicule. Il faudrait qu'il le fasse réparer ou qu'il prenne un permis d'hélicoptère pour hélicopter sur l'hélicoptère de l'université. Hélicoptère, t'es aussi bon chanteur que créateur de vocabulaire. Exactement. Tu nous as amené un invité spécial. Ben oui, c'est ça, parce que j'ai réalisé que j'ai parlé de plein de jeux, mais jamais de jeux vidéo. C'est vrai, tu parles de jeux de société, absolument. Absolument. Et là, on parlait, c'est ça, autour d'une fondue au fromage. C'est oh, raclette? Non, fondue suisse. Okay. Le meilleur, c'est la petite croûte dans le fond. Oui. Et c'est ça. Et là, Cosmo m'a dit... moi, j'aimerais... Cosmo? Oui, c'est son nom. OK. Comme Cosmos, là, l'espace. Espace, là, c'est ça. Et c'est drôle parce que c'est un alcool aussi, le Cosmo. En tout cas, tout ça, c'est un petit peu interrelié. Ah. Et c'est ça. Et là, il m'a présenté, il m'a dit, j'ai deux petits jeux à te... J'aimerais ça t'es montré, mais je suis pas capable de les expliquer. Fait que j'ai dit, ben viens. Ouais, viens. Il a pris congé. Fait qu'il était pas capable de te les expliquer à toi, fait que non. Tu vas lui demander de l'expliquer à la radio, ça. Non, c'est que moi, j'étais pas capable de les expliquer. Ah, ok. Ah. Parce que, tu sais, je suis pas un gars de jeu de vidéo. Non. Puis lui, il est... Ouais. Mais lui, il s'occupe plus un petit peu de l'Islande. Là, c'est un gars plus nordique. Là, on parle du Pôle Nord et le Père Noël, tout ça. Donc, c'est ça, oui, de l'Islande. Okay. Mais lui, il représente pour l'Islande. Est-ce que c'est sa première fois au Québec? Non, c'est deuxième, parce qu'on est déjà venu aux Galeries de la Capitale avec le Père Noël. OK. Ouais. Ouais, c'est ça. Il était venu cette fois-là, parce que c'est un des rares qui parle couramment français, vraiment. Là. Ah ouais. Mais malgré tout ça, là. OK. C'est ça. Galerie de la Capitale, est-ce que vous allez aux Galeries du Cap, des fois? Ça arrive. C'est pas tout à fait moi qui y va d'habitude, okay. Là. Parce que... C'est les nouveaux lutins, c'est les plus jeunes, c'est ça. 80... Les cobayes, là. 75 ans, souvent, là. Tu sais, nous, moi, Picosmo, on a quasiment 200 ans à chaque, Ah, wow! Fait que je vous le passe. OK. Oui, tu nous le passes, OK. OK. Bonjour. Oh! C'est Cosmo. Bonjour. Oh, bonjour Cosmo. Ça va Cosmo? Est-ce que t'es gêné Cosmo? Ouais, ça arrive. Bah, tu sois pas gêné avec nous, on est tellement fins. Ben oui. Dans le fond, c'est des jeux vidéo. Ouais, ça on avait déjà dit ça. Sur hein. Steam. Oh, sur les ordinateurs. Et sur la PS4, okay. Les deux sont disponibles. Vous avez le bon réseau, okay. Oui. Et c'est deux jeux coopératifs qui nécessitent une bonne communication. OK. Oui. Le premier jeu, c'est Overcooked. Overcooked, hein? Oui. Okay. Cooked. Dans le fond, ce qui est spécial, c'est que tu es quatre chefs cuisiniers qui doivent réaliser des commandes, mais chaque personne doit utiliser des tâches précises, mais les niveaux changent. Je vais donner... T'es en train de dire, genre, qu'à la place d'avoir une job au salaire minimum à faire exactement ça, tu vas le faire sur ton ordinateur, mais pas être payé ça. Et tu vas payer pour, en plus. Attention, il y a 5 tâches et 4 cuisiniers. Quel dommage! Ah oui. La première tâche, c'est de donner l'assiette au client. OK. Mais pour donner l'assiette au client... Il faut que les légumes soient cuits. Donc, il faut faire cuire les légumes. Mm-hmm. Il faut découper les légumes. Il faut amener les légumes sur la planche à découper. Et pour mettre tout ça dans une assiette, il faut qu'il soit propre. Donc, il y a un plongeur. Et là, t'as quatre cuisiniers et cinq tâches. Là, c'est une rythmique à comprendre et à analyser pour être bon. Hein, parce que sinon, ça arrive jamais. Mm-hmm. Et là, plus les niveaux avancent, plus il y a des contraintes. Entre autres, les plateaux sont sur un bateau, alors quand tu pognes une vague, tout le monde tasse à gauche, même les tables. Ah, oh, wow! Et quand ils ont pas organisé ça. Ils auraient pu bolter les tables plancher, mais non. Mais non, c'est tellement niaiseux, ils l'ont pas fait. Ça aurait pris juste un petit... C'est ça. Alors, il y a des sur la glace en camion, donc en cuisine. En camion? Oui, des en popote routier. Là, ah, les... En popote routier, comment vous appliquez ça comme ça? Je sais pas. Comment vous avez... Les food trucks. Les food trucks? Mais y a des, je savais pas qu'il y avait des tables. Les popotes roulantes, c'est ça. Tu peux t'asseoir là-dedans puis manger assis à la table dans une popote roulante? Non, c'est que tu arrêtes, tu fais ton camion, il bouge, puis faut-tu mettre tes livraisons seulement quand le camion arrête. Ah, mettons. Oui. Alors là, faut-tu cuisines pendant que ça bouge. L'autre point de ce jeu-là qui est drôle, c'est que sur la PS4, pour jouer à 4, tu dois partager les manettes. Oh boy! Donc, une personne possède le joystick droite, le R et les pitons arrière. Donc, il joue avec R1, R2 et R3. Okay. Et l'autre joue avec L1, L2 et L3. Wow! Et là, donc, il y a deux actions simples. Prendre et actionner. R1 est prendre, donc je prends le bol. R4, c'est je le verse, donc actionner. Et là, ça devient compliqué parce que t'es deux sur une petite manette. Et c'est du travail répétitif. Faut que tout le temps que tu pèses sur les boutons bonne répétition et aux bonnes places. Sinon, tu pousses du monde et là, tu cours, tu pousses. Et là, c'est drôle parce que ici, tu te rentres dedans, ben les bonhommes, ils revolent, ils échappent toutes. Fais-tu ris, hein? Mais là, oui, c'est ça. T'applaudis. Exactement. Et là, c'est ça. Et là, c'est ça qui est drôle parce que tout le monde s'ostine et parle très fort et ça provoque beaucoup d'amusement dans les parties de Noël. Ça doit. Alors, ça, c'est Overcooked. Et il était... Aussi prononcé des fois Overcooked. Overcooked. Ouais. C'est ça. Ça dépend comment que tu le veux le dire. Puis d'où tu viens, tu sais. D'où tu viens. Nous, en Islande, c'est Cooked. Au Pôle Nord, et c'est ça, à l'Islande, ils prononcent chaque syllabe. C'est ça. Alors, ça, c'était mon premier petit jeu coopératif pour engayer votre temps de Noël. Engayer aussi, hein. Engayer votre temps de Noël. Le deuxième jeu, c'est Lovers in a Generous Space Time. Répétition, s'il vous plaît. Lovers in a Dangerous Space Time. Okay. Lovers in a Dangerous Space Time. Oui, c'est un jeu où tu es des animaux qui doivent sauver d'autres animaux de l'espace. Ah. Tu commences avec des animaux comme, par exemple, une grenouille, et tu es quatre grenouilles pour contrôler un vaisseau. Il y a un bouclier, quatre lasers. Oh. On rappelle qu'ils sont quatre joueurs. Donc, quatre lasers. Le petit... Petit lutin, ça fait sortir. Quatre lasers, un bouclier et un power. Donc, le power, c'est comme une arme puissante. OK. Vraiment puissante et elle tue tout. Et là, il y a des ennemis et tu dois sauver tes compatriotes. Et tu dois aussi te déplacer. Donc, il y a la commande, les quatre lasers, le power, le bouclier. Il y a beaucoup de choses à contrôler. Et là, tu dois tuer les monstres et tu reçois des gems. Des bijoux. Des bijoux. Et ces bijoux-là ont différents pouvoirs. Donc, le premier, c'est métal. Donc, du métal. Donc, il fait... ça va changer tes fusils. Ils vont donner plus des boules. Ton bouclier va être plus massif, mais plus lourd. Tu vas... Si tu mets sur ta commande ton gem, tu vas te déplacer... tu vas être protégé avec une boule, mais tu vas être plus lent, et ainsi de suite. T'as le power gem. Ça, c'est comme électronique. Là, c'est le jaune. Il te donne des lasers. Il te donne aussi... une puissance sur le moteur, c'est là qu'il faut le mettre. Et t'as le Power Gem, lui qui donne que de la puissance. Soit que t'as mis, exemple, deux puissances, ben c'est que tes lasers sont extrêmement puissants et détruits du premier coup toutes les bêtes. Et là, faut que tu analyses où tu veux les mettre afin d'être efficace. Okay. Et ce jeu-là, ce qui est drôle, c'est que tu affrontes des monstres extraterrestres parce que ça se passe dans l'espace, mais t'as des animaux. T'es une grenouille qui affronte une immense baleine nucléaire ou t'affrontes des étoiles Cassiopée. T'affrontes des drôles de choses que tu penses pas qui peuvent exister dans l'espace. Et tout ça, c'est dans le but de trouver l'amour et de rétablir l'amour, dont le nom Lovers in a Dangerous Space. Et tu dois aussi apprendre à travailler avec différentes contraintes. La première contrainte, c'est que ton vaisseau et reste toujours dans le sens midi 6 heures okay. au début. OK. Alors, c'est ton déplacement, c'est ta propulsion qui se déplace autour de la boule. Donc, la boule reste toujours droite. Mais plus les niveaux avancent, plus ils te mettent des difficultés. Et l'une des difficultés, c'est que t'as un jello vaisseau. Un jello vaisseau. Ouais. Un jello vaisseau. Et le jello vaisseau, il ne fait pas de dommages, de perte de cœur, d'amour, perte d'amour quand il cogne les murs. Mais il tourne sur lui-même. Ah, alors, tes bonhommes, ils changent de gravité. Ah, c'est le fun, ça. Mm-hmm. Alors là, ils se ramassent à tirer la tête en bas alors que la tête en haut. Et là, c'est toute qu'une histoire afin de passer ces niveaux-là. Ah, j'aime ça, ce principe-là. Et ce qui est le plus drôle, c'est que dans certains niveaux, il y a même des contraintes de poste. Je vais donner un exemple. Moi, j'étais pas très bon à contrôler le vaisseau et me déplacer. J'avais pas le pouce droit assez long pour toucher les deux touches en même temps. Et c'est ça. Et là, dans la contrainte, j'étais obligé de conduire. Là, on a triché un peu, on a échangé les manettes, mais dans la réalité, j'aurais dû être obligé de conduire parce que c'est seulement moi, le lutin jaune, j'étais le renard à ce moment-là, qui pouvait accéder à la commande. Et là, ça t'amène des contraintes et plein d'affaires. Et ce qui est le plus fun de Lover, c'est que sur PlayStation, il est pas cher, première étape. Et deuxièmement, il a plusieurs défis de qualité pour obtenir tous les trophées nécessaires afin les achievements. C'est ça. Et dont le premier est de faire du tango. Et j'explique, il faut que quand tu croises quelqu'un dans le vaisseau, un autre animal, ils se font une petite danse et une petite tape dans les mains. Et là, plus dans un niveau, il faut que tu fasses 20 échanges de tape-tape de main. C'est plein de petits défis comme ça qui rajoutent du piquant dans vos activités. Mm-hmm. Ça fait un peu le tour pour ce que j'avais à vous dire. Je vous repasse à Alfalfa. Hey, merci Cosmo pour merci, vrai. Merci Cosmo, t'as été très bon. Il s'est dégêné avec le temps un peu, hein? Vous avez aimé ça? Oui! J'ai vraiment de la misère à expliquer ça, les jeux vidéo, parce que les manettes, tu sais, moi, c'est pas mon fort. C'est correct, mais toi, t'as encore les plus petits pouces, tu pourrais pas jouer, hein? C'est ça, ouais. C'est mes petites mains pour mettre les bonbons dans les sacs tout petits. C'est pour ça que j'ai été formé à la confiserie. Un gars de précision, exact. Oui, c'est ça. Moi, j'étais un gars de confiserie. Fait qu'il faut que je vise des petits trous pour faire les beaux cornets de bonbons pis tout. Ouais. C'est ça. Fait que moi, c'est ça pour les jeux vidéo. Et cette semaine, je parle pas vraiment d'alcool parce que j'ai pas trouvé rien qui m'a flashé. Non. Incroyablement. Mais en ce moment, je trippe bien gros sur le daiquiri aux fraises. Ah, miam! Oh! Hey, ben, ça goûte le bonbon, hein? Ben, parce que c'est le début de la neige. C'est ça. Neige loche daiquiri. Ah, OK, ouais, vous, au Pôle Nord, vous buvez de la slotch à cette température-là. Ouais, ben là, ça commence à être le fun. Il commence à avoir de la neige. Oui. Ouais. L'hiver arrive, là, on est à moins de 1 mois et 12 jours de Noël. 42, hein, tu l'as dit tantôt. 42. Et c'est ben raide fou. Ben raide fou. Ben raide fou. Vous avez des expressions comme ça qu'on connaît pas. C'est hein. fou. C'est fou comme la radio. Oui. Donc, tu remercieras Cosmo, qui est parti pas mal rapidement, je trouve. Oui, mais il était stressé. Il avait vraiment envie depuis qu'on est parti du Pôle Nord. Il se retenait encore. Mais vers la fin, pour vrai, ça allait très bien avec lui. Excellent. Pour toi, ben, Colin, j'espère te revoir la semaine prochaine, sûrement lundi prochain. Oui, je le souhaite fortement. C'est ça. Cool. Voilà. Merci. Eh bien, ça fait plaisir. Bonne journée. On écoute une petite chanson, nouveauté du palmarès anglophone, c'est Weaves. Voici Number 53. Assemblage Rocky! Au 89 FM. I want to perish down on my knees. Weaves et la pièce Number 53 à Assemblage Requis. Enfin, il est arrivé, Xavier Clich. Je l'haïs la construction. Je sais pas, hein, ouais, c'est ça, c'est... Les cônes, hein? Les cônes oranges du Québec. Le gars qui... Non, mais imagine le gars qui s'est dit, moi, on va faire des cônes oranges. Mmh. Il y a des millions d'argent dans ses poches juste avec le gouvernement. Tellement. Et voilà. Ouais. Hey, on parle de chasse ensemble un petit peu. Oui, j'ai une histoire drôle dans ma conique. Dans ta conique de Xavier. La conique de Xavier Clich. Yes, sir. Hey, bon. Hey. Moi, je suis un chasseur, tu savais. Là, non, genre... je ne savais pas ça. Pour vrai? Tu m'as pas dit ça. Mais j'en parle souvent, VHS et tout. Ouais, ah, c'est vrai, oui, maintenant que t'en parles. Oups. Voilà. Je dis normalement. Et je suis un chasseur. Oui. Et tu connais-tu un peu la chasse, le concept et absolument tout? Absolument pas, à part le fait que je pense pas être pour. Là. Ben moi, je suis pour parce que c'est une manière saine d'avoir de la viande. Et, non, mais ça aussi, tu fais des animaux. Ouais, mais pour la viande, tu sais, tu le tues pas pour l'abattage puis pour le tout ça, c'est fait pour... Puis c'est sain par rapport à les mettre dans un enclos, les faire manger pendant une demi-heure, puis les électrocuter qui s'en rendent compte, puis tout le monde voit ça, puis les faire paniquer. Peut-être. Donc, et je vous compte une histoire qui m'est arrivée en fin de semaine, et c'est avec Noël, okay? C'est important avec Noël, avec la neige, on recommence. Important avec la neige. Quand tu chasses, faut que tu pistes ton chevreuil, et faut que tu n'aies aucune odeur, donc ton linge, il est resté dehors l'hiver, et ainsi de suite. Alors, on est en bas de la montagne, moi et mon cousin, parce qu'on chasse ensemble, et il a son gros arbalète, et il se prépare, on prépare nos sacs et tout ça, et on monte avec nos bottes d'hiver et nos sauts, on est habillé. Je sais pas si tu te rappelles, vendredi, il a fait moins 28 avec le facteur vent. Sérieux? Ouais. Non. Non, je te le dis. Non. Je te le dis, il y avait 10 cm de neige, moi je chasse à Tewksbury dans le coin de Québec. Tewksbury. Et là, on part en bas de la montagne et on monte, et on voit des pistes de chevreuil vers notre cache, et on appâte, donc le chevreuil se rend à la nourriture. Et là, on est en train de marcher, puis on est en silence. D'un coup, on entend... On est comme, OK. On est comme, OK, il y a deux chevreuils qui sont en avant. On se dépose à terre, on s'agenouille, et en s'agenouillant, on voit devant nous deux traces de chevreuils. Une qui passe par la gauche, et une qui passe par la droite, direct devant nous. Ils ont comme apparu, tu sais pas ce qu'on prend, mais tu sais, on se dépose à terre nos sacs, on enlève tout ça, on enlève nos vestes oranges, parce que nos vestes oranges, c'est pour pas se faire tirer par d'autres chasseurs, fait qu'on on savait que... Mais une fois que tu les enlèves, est-ce qu'il y a des chances de faire tirer? Ben, si les autres chasseurs analysent qu'on est un chevreuil, oui, là. Ouais. Mais où qu'on était, non. On arrivait, tu sais, il commençait à faire clair, fait qu'on se doutait que les autres chasseurs, qui étaient mon parrain puis son meilleur ami, nous tiraient pas parce qu'ils sont pas dans le même coin que nous, on avait dépassé leur cache. Et là, on dépose notre arbalète, on dépose nos sacs, et là, on colle la femelle. Mouah. Et là, on avance, tu sais. Fait qu'on avance. OK, sont deux chevreuils. Okay. Et que là, on part en chasse fine. Et en chasse fine, faut pas que tu fasses de bruit. Fait qu'on était pas feutré dans le bois. Puis là, on est là, puis on avance, tu sais. Puis on colle. Ouais, la mouette. Tu sais, le bruit de mouette, là, mais c'est un chevreuil. Mm-hmm. C'est un veau, qu'on appelle. Okay. Un bébé. On est comme, OK, il y a un veau. Puis on entendait plus le bruit du mâle qui était là, le bas. On est comme, OK, tu sais, on colle la femelle. On avance. Et là, on était à pas feutré. Ça fait 10 minutes qu'on est là, en petite boule, puis qu'on avance. Parce qu'il y a une petite roche, mais on se dit, on va s'accoter sa roche. Ouais. Que là, il se craint que son arbalète. Il met sa flèche, tu sais, il s'installe. On arrive où la roche, on s'accote, on colle, pas de réponse. Là, on est là. On se regarde, on se dit, crève, les traces sont en avant de nous autres, les traces sont là, sont à terre dans la neige. Mm-hmm. C'est... Parce qu'ici, il n'y aurait pas de neige, cette histoire-là, c'est pas la même histoire. Non, c'est ça. Quand on regarde les traces, on fait, OK, il est pas loin. On passe la roche, je mets ma main sur un arbre, et là, qu'est-ce que l'arbre fait? C'était l'arbre! Ça faisait 20 minutes! T'appelais l'arbre? 20 minutes qu'on collait un arbre. C'était deux arbres à cause du grand vent qu'il y avait, qui se squinaient entre eux. La pancheuse était pas gigalou. Elle était pas gigalou. Non seulement elle était pas gigalou, mais elle était aussi timée avec nos calls. Ouais, c'est ça. Tu pensais qu'il réagissait à vos calls, mais c'est mais l'arbre. Mais non, c'est l'arbre qui réagissait au vent et c'était le hasard. Wow. Imagine-toi deux gars dans la neige, ben frette, à moins 24 comme avec des cagoules, épais. Comme deux épais. On rentre à terre, on a l'air de deux militaires couchés dans la neige. On essaie de pas avoir d'odeur, puis tout ça, pas laisser de traces. On est là, ça cote sa roche, je mets la main sur l'arbre. Au début, je pensais que ton histoire, le punch allait être genre que tu pensais que c'était un arbre, mais là, tu y touchais, puis il a commencé à bouger comme dans Stella Rignal, finalement. Non, c'est le contraire. Hey, j'étais en beau fusil, en belle chance qu'il y a personne pour voir, vous n'avez pas vos habits oranges. Non. Imagine-toi, là, fait 20 minutes, t'es plein de neige, t'as le plein ton casque, tu fais frette. On est arrivé dans la cache, là. Faisait moins 28, On était plein de neige. Aucun moyen de se réchauffer. On était agelés comme des canards. On était crampés ben raides. Fâchés légèrement parce qu'on avait passé 20 minutes à courir après un arbre qui bougeait pas. Ah, oh, quelle histoire! Mais écoute, on est sorti de là, mon parrain a tué une belle femelle de quasiment 120 livres de viande. On a quand même passé une belle période de chasse, mais c'était mon histoire de chasse. Fait que faites-vous pas prendre par des arbres qui couinent à cause du grand vent. Puis l'hiver, c'est à cause de ça. C'est, si l'hiver, tu sais, les traces dans le... Tout était là. Le bruit était vraiment ressemblant à celui d'un veau. Puis c'est parce que l'arbre était gelé, parce qu'il y a eu fret. Ouais. Donc là, deux arbres gelés qui se frottaient ensemble, ça faisait le bruit. Mais s'il n'y aurait pas eu de froid, il n'y aurait pas eu de neige, on n'aurait pas vu les traces, on n'aurait pas entendu l'arbre, on serait remonté à la cage, puis on aurait probablement eu moins l'air cave. Puis on aurait eu chaud durant cette journée à moins 28 à Québec. Concours avec... de circonstances, moins 28, ça se peut. Avec le vent? Est-ce que tu regardes les émissions de chasse à télé? Parce que chaque fois que je veux me chercher un café à Chasse-Galerie, il y a tout le temps une émission de chasse qui joue à télé. Mais moi, c'est un théoricien de la chasse. Un théoricien? Oui, tu sais, il y a des gars qui sont là, puis qui font de la chasse pour faire de la chasse, puis ils appartent sans se poser de questions, ils vont dans leur cache, ils tirent, puis ils continuent. Moi, c'est un gars qui veut analyser ça. Ouais. Je suis un analyste dans la vie de tous les jours, en temps d'improvisation qu'on va parler dans une seconde, mais que dans la vie de tous les jours, dans mes cours, tu sais, j'analyse des choses. Et j'analyse la chasse, j'analyse le comportement chevrier. Chevrier. C'est ça, chevrier. Ouais. Donc, j'analyse des chevreuils en apportant, puis comment ça réagit, puis comment un jour ils viennent, à quelle heure ils sont là, pourquoi ils sont pas là, puis les photos, puis tout ça. Puis ça me passionne de réaliser la beauté de la grandeur animale. Ouais. Fait que oui, j'écoute une émission de chasse, mais pour comprendre d'autres théories. Pas pour voir qu'est-ce qui tue. Puis il y a une émission que j'ai écoutée récemment, que j'ai gardée enregistrée, ils s'en vont en Afrique. Ils font face à des buffles Buffalo King là, avec les cordes. Puis ils peuvent se faire charger à n'importe quel moment. Il y a un troupeau de comme 15 en avant d'eux autres. Le fusil craint. Moi, c'est l'émotion, le stress. C'est palpable. Je me dis, imagine, ils peuvent mourir piétinés. Ils peuvent tuer, avoir de la viande. Justement, ils ont eu de la viande, ils sont pas morts piétinés parce que l'émission va passer à TV. Hein? Ah, voilà. Non, mais c'est le fun. Les buffles comme ça qui sont en train de charger sont rendus USB-C. C'est standard. USB-C. Tu peux les charger tout le temps. Ça a rendu Thunderbolt. Ouais, ça a rendu Thunderbolt. Ça a été plus drôle, ça. Voilà. Bref, parlons d'improvisation. Il y a un match ce soir, lundi. Ben oui, ce soir, à la Chasse-Galerie, c'est toujours gratuit. C'est toujours pour les étudiants. Faites pour les étudiants. C'est un spectacle. On joue pour vous et non pour nous par rapport à d'autres ligues. Qui aiment bien se faire rire eux-mêmes. Eux-mêmes. Nous, on est là pour vous faire rire. Si on va jouer dans vos univers. C'est rouge-orange. Donc théâtral vs un punch et les personnages. Ça va être un beau match de deux côtés. Je sais pas c'est qui arbitre ce match-là, mais j'imagine que ça va être un pacing de fou comme d'habitude. C'est le deuxième match des Oranges de suite. Oui, ils ont joué la semaine passée contre les Verts. On avait parlé du match Jocelyn Garneau. Ouais. Donc on se demande s'ils vont être encore épuisés un petit peu. Mais non, la semaine passée c'était pas de l'épuisement. Je pense que c'était juste un surplus de jus de pomme. Ouais. On l'a dit la semaine passée, on a des meilleurs matchs de la saison jusqu'à maintenant. Pour vrai, là, je suis encore sous le choc et de la chasse et de la lutte. Si vous voulez que ça soit la même chose, faut être présent ce soir. Plus il y a de public, plus il y a de l'envie d'être drôle. Oui, attends, wow, on va régler quelque chose. Ouais, parce que j'entends souvent durcir ça. C'est vrai. Et ça va être drôle. Oui. L'impro, c'est pas juste du comique, hein. Ben non, je sais pas. Il y a du drame, il y a de l'incarnation. Il y a... Fait que si tu vois une impro dramatique, puis elle t'a donné un frisson, ben moi, je trouve ça autant pertinent qu'une impro qui t'a fait rire, je sais ce que t'as aimé mal aux oreilles. C'est vrai. Mais je pense qu'en grosse partie, sûrement le trois quarts du temps, c'est drôle, non? Oui. Absolument, c'est ça, c'est très drôle. Fait que dis-moi, j'ai trois quarts raison. Mais t'as pas trois quarts raison, c'est André que tu dis que c'est juste ça, l'impro. Hey, tu me mets des paroles dans la bouche, toi! Non, je te mets des mots entre les deux lèvres. Voilà! Sur cette bonne blague! Hey, sur ce, on t'écoute mercredi après-midi? Oui. À VHS? VHS. Tu sais ce qui s'en vient. Oui. Ça a l'air. Ouais, c'est ça. C'est plus heavy metal cette semaine. On est plus dans le stranger que dans le comique habituel qu'on a. On passe sur des sujets un petit peu plus strange. Ah, fait que vous autres aussi, là, je pourrais pas dire que c'est une émission comique d'humour. Là, ben, c'est humoristique. Là... Mais non. Mais c'est plus dramatique aussi. Non, pas dans ça. C'est plus. Simplement, c'est plus ludique. Ouais. On parlait de peinture psycho. Là. C'est une pensée qui me faisait extrêmement rire. Des pires noms en France, entre autres Connard. Il y a 21 personnes qui s'appellent Connard. C'était trop drôle. Ça m'a fait beaucoup rire. Cette semaine, c'est plus dans les choses étranges. Entre sombres. T'as déjà vu l'émission Stranger Things? Un peu. Ben pas ça, non, mais les 10, comment ça s'appelle là? Je fais les 10 personnes qui ont été évaluées avec les pires passions. OK. Les pires passions qui ont été. Il y a une émission qui a été mise faite là-dessus. Une fille qui mangeait des SOS, entre autres. Ah oui, non, ça, c'est, j'aime ça. C'est mon étrange dépendance. Mon étrange dépendance. Donc, tellement les 10 dépendances, les répertoriés les plus spéciales à travers le monde. Vas-tu un peu ce style-là? Oui, ça va être malade. Malade, ben raide. Cool. Donc, c'est VHS les mercredis à partir de 13h sur nos ondes. Merci beaucoup. C'est un plaisir. On prend une petite pause musicale pour entendre Paupière. Elle est courte toujours, puis on vient se dire au revoir juste après. Vous avez remarqué que Tania est déjà partie. Oui, Tania est partie faire pipi depuis une demi-heure. Ça reviendra jamais. C'est la plus longue toilette au monde. C'est la plus grosse, la plus bizarre passion, je pense. Tout le temps à faire pipi. Paupières et la pièce court toujours dans Assemblage requis. Et c'est pas mal là-dessus que ça va se terminer pour aujourd'hui. Quelle excellente émission remplie de rebondissements. On vient de vivre ensemble. Donc, on remercie mon chroniqueur d'aujourd'hui quand même. Pas mal de monde hein, aujourd'hui. Alex Marchand qui était là à 8h pour sa chronique Dans ma tête. On remercie aussi Alexander Brett et le monde ce matin. Ensuite, Xavier McLeish accompagné d'Alfalfa et de Cosmo pour trois différentes chroniques. Merci aussi à Tania qui va être de retour avec nous demain. Elle qui nous a quittés depuis les dernières minutes. Demain aussi à l'émission, mardi, on va avoir Dominique Notbavungu à 8h30 pour sa chronique Voix l'Afrique. Puis Jimmy Thibodeau va être là à 9h pour déboulonner des mythes de la gauche dans Gauche jamais vue. Et puis à 9h30, Marc-Olivier Dumas va nous parler de sport dans Sport et Filoché. Sur nos ondes aujourd'hui, nous serons de retour à midi pour les Palmarès. C'est fou comme toujours avec l'édition Nouvelles Entrées. Ensuite à 13h, la rediffusion de Rock Classique avec Alain Lefebvre et le Dr Pendragon. Puis à 20h, Rock de Neurones avec du rock et progressif. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Restez là dans quelques minutes. C'est fou le sexe. On va commencer. Mais avant ça, une pièce de Félix Diotte. Étant donné qu'on vient juste d'entendre Court toujours de Paupières, on reste dans la thématique de la course. Voici Félix Diotte et je cours. À demain, 7h.